Bienvenue dans un autre monde, celui qui est dans le vôtre. Celui que nous avons décidé de vous ouvrir la porte pour vous montrer notre passion. Jeux vidéo, jeux de rôle, cosplay, conventions, séries TV, ciné, anime, manga, science-fiction, Pokémon. Bienvenue dans Another World. Après des débuts difficiles, on va pouvoir commencer enfin ce podcast quand même. Bonjour à vous, c'est Bafoulio, j'espère que vous allez très très bien, très heureux de vous avoir ici pour Another World. Another World, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où on vous présente toutes nos passions, jeux vidéo, cosplay, bref, tout ce qui a été placé dans le générique, c'est ce que vous allez entendre dans ce podcast. Mon nom est Bafoulio, très heureux de vous avoir en tout cas, et j'ai envie de présenter mon équipe avec moi. On va commencer par quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait parler de ça. Vous lui donnez une feuille et un stylo à cette demoiselle, elle n'écrira pas un roman, mais ses XP, son HP, ses armes et ses pouvoirs magiques, c'est Tali. Salut Tali. Hey. Ça va? Et toi? Ça va très bien. Donc t'es venu parler roleplay, etc. C'est ça. Bon bah c'est cool en tout cas. Et attention, j'ai envie de présenter une autre personne. Cette personne a été connue pour parler jeux vidéo sur jeuxvideo.fr. Malheureusement le site était fermé. Et il a décidé de revenir dans un podcast carrément pour faire le guignol avec moi. Et c'est mon pote de tous les jours, Monsieur Jerry Storm, bonsoir. Salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Bon, bah très content de t'avoir en tout cas avec nous. Allez, on va parler d'une autre personne avec deux personnes qui sont les mecs à chapeau que je les ai appelés sur le reportage. Ils ont toujours une bulle d'avance, c'est Ben et Benji. Salut les mecs. Bonsoir. Salut. Ça va les mecs? Bien et toi? Mais ça va très bien, merci. Et on va finir par la dernière personne qui a pu venir enregistrer en live ce podcast. Elle a vendu au Dalek les points faits de Gallifrey. C'est pour ça qu'il ne reste qu'un seul seigneur du temps. C'est Clems. Salut Clems. On avait dit qu'on parlait pas de cette affaire. Ah oui, bah, je suis désolé. Tu t'aurais pas dû me le vendre aussi d'un autre côté. En même temps, il s'était excellent des Jelly Baby. Elle a vendu son âme à Bafoulio. Non, elle a vendu plutôt son âme au Seigneur du Temps. Bon, ça va, petit Clems, quand même? Oui, ça va. Ça va, prête pour le premier podcast? Bien sûr. Bon, bah c'est parfait. En tout cas, on n'a pas pu avoir Pavel parce que malheureusement, il a dû s'occuper de tout le Pokédex en faisant le patron. Et on n'a pas pu avoir Takala parce que la pauvre, elle a eu des soucis techniques de dernière minute. On la pardonnera, vous le retrouvez bien sûr dans l'épisode 2, s'il y a. Allez, on va commencer par Clems. Clems, tu vas nous préparer tout ce qui est science-fiction et aussi fantastique, avec Tali pour tout ce qui est fantastique aussi. Vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Ah bon? Parfaitement. Ouais. Eh bah, c'est tant mieux quand même. Allez, on y va, c'est parti pour la science-fiction avec Clems et Tali. La rubrique science-fiction. La rubrique science-fiction avec Clems. Salut tout le monde. Alors bah aujourd'hui on va faire je vais parler d'une série de livres que je suis en train de lire qui est le cycle de fond de Isaac Asimov. Donc c'est une série bien sûr de science-fiction où Isaac Asimov a en fait l'effondrement d'un empire galactique que le savant Harry Seldon, on en parle beaucoup surtout dans la première partie de Fondation. C'est ce savant invente une nouvelle science, la psychohistoire. Donc, comme ils le disent, c'était quelque chose de très compliqué. Donc, simple, en gros, on calculait en fait, on peut prévoir l'avenir en quelques probabilités, les probabilités de différents avenirs. En fonction des personnes, enfin pour un groupe, pour une population, enfin pas individuellement. Cette citation est composée de plusieurs livres. Le premier livre, donc celui-là je l'ai terminé, il est excellent, un peu compliqué à suivre, mais si vous aimez lire de la science-fiction, normalement c'est problème. Après c'est Fondation et Empire que je suis en train de lire. Pour l'instant c'est un peu faut vraiment se mettre dans l'histoire pour comprendre, mais sinon il y a pas de problème. Après c'est Seconde Fondation. En tout cas voilà, en tout cas Asimov moi je connais parce que c'est celui qui a créé quand même les trois lois de la robotique qu'on devrait connaître tous grâce au film iRobot, par exemple un robot ne doit pas te faire du mal aux humains, etc. et tout. Et ça a été connu grâce à ça, en tout cas Asimov, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a aussi les lois de la robotique qu'on peut retrouver aussi dans le film L'Homme Bicentenaire ou un truc comme ça avec Robin Williams. Donc ouais, c'est sûr que Asimov, c'est quand même quelqu'un d'assez incroyable au niveau des romans, hein, ça c'est sûr. Ensuite, Clems ? Je continue en fait, on va dire l'ordre on va dire du cycle de fondation. Donc après Seconde Fondation, il y a Fondation et Empire qui a été publié 30 ans après. Donc Seconde Fondation a été publiée en 1953. Fondation Foudroyée a été publiée en 1982 et suivi de Terre et Fondation publiée en 1986. Et deux ans plus tard, ils ont sorti, on va dire, les origines de Fondation. Donc, Prélude à Fondation en 1988 et L'Aube de Fondation en 1993. Mais je conseille franchement de commencer par la date, on va dire, de parution. C'est plus simple parce que, comme ça, on comprend mieux les références, on va dire, dans Prélude et L'Aube. Parce que, on va dire, si on parle de certains personnages, comme le scientifique Harry Seldon, et ben, si on n'a pas lu les livres avant, c'est moins bien. C'est moins bien. D'accord. C'est un peu comme Star Wars. C'est bien de les regarder dans l'ordre de diffusion au cinéma. Commencer par les 4, 5, 6 et finir par les 1, 2, 3. Comme ça, on n'est pas spoilé pour Dark Vador et Luke Skywalker. Mm-hmm. Désolé, en fait, vous le savez tous, vous le savez tous qui est Dark Vador. Ben oui, c'est. Je peux spoiler. C'est Darky. Bah, ça va choquer personne. Non, mais de toute façon, qui n'a pas vu Star Wars aussi d'un autre côté ? Excuse-moi, franchement, regarde dans le groupe, on va demander, par exemple, Ben et Benji, vous avez vu Star Wars ou d'un autre côté ? Tu fous de ma gueule, c'est l'un de mes films préférés. Bah, on est d'accord, voilà. Jiri, par exemple, tu l'as vu, toi ? Ah, bien sûr. Et Tali ? C'est un chef-d'œuvre, Star Wars. George Lucas, c'est mon maître. Alors, comment dire ? Ah, oh là, j'ai bien peur. Attention, je vois les Daleks. Ça sent le meurtre. Non, mais j'ai regardé quand j'étais petite, donc je m'en rappelle pas vraiment, mais oui, j'ai déjà vu. Bon, bah ça va, on va pas se fâcher là-dessus quand même. Bon, bah ça va, j'enverrai pas les Daleks finalement. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée. Allez, vas-y, Clem, continue. Sinon, j'ai pas trop grand-chose à dire dessus, hein. C'est vraiment une toute petite chronique faite à la va-vite, mais... Ben non, c'est déjà sinon, pas mal. C'est déjà pas mal. Ce que j'ai lu, on va dire, je vais dire ce que j'ai lu avant Asimov. J'ai commencé par Douglas Adams avec le guide du voyageur galactique. Mais oui, H2G2. Il est passé il y a sur numéro 23, je crois. H2G2. Bah c'est génial, drôle. Mais oui, c'est vachement drôle. C'est plus drôle Douglas Adams, mais franchement. Mais par contre, conseil ne. La poésie Vaughan, c'est le mal. Si un Vaughan vous propose de lire sa poésie, tuez-le, bouchez-vous les oreilles, faites quelque chose, mais... D'accord, ok. Bon, bah on le... Donc, bah... Ok, bon, bah c'est tout ce que voilà, tu devais dire au niveau de la science-fiction, en tout cas. Oui, oui, pour la première chronique, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Tu nous as fait à peu près 10 minutes de chronique, je pense que c'est vraiment mal. Donc, en tout cas, sinon, tu nous proposes sinon pour les Asimov quand même de lire du premier jusqu'au dernier sans modération. Enfin, du premier en ordre de parution, pas en ordre, on va dire, d'histoire. D'accord, ok, très bien. Sinon, ça spoil un peu, enfin. Très bien, ok. Bah, merci Clémence en tout cas pour cette rubrique science-fiction qui était vraiment pas mal. Donc franchement, comme a dit Clémence... Attends, je voulais... Vu que Takala est pas là, on va... Je vais parler de Geekopolis qui se déroule ce week-end à Paris, porte de Versailles, parce que bah bien sûr, comme c'est Geekopolis, il y aura forcément de la science-fiction, donc il y aura aussi mes amis Whovian que j'aurais bien aimé voir. Il y aura sûrement des tas de cosplayers de Star Wars aussi, puis il y aura aussi du Néo, il y aura aussi du Néo du genre tout ce qui est steampunk, qui est vraiment très bien aussi d'ailleurs. Punk, c'est le bien. Eh oui, steampunk, c'est le bien, je suis tout à fait d'accord. C'est tout sinon, Clemens ? Oui, c'est tout. Ah bah c'est très bien. Bah tu sais quoi, parce que comme on était en train de parler de Geekopolis et de tout ce qui était Heroic Fantasy, moi je propose qu'on aille vers Tali. Non ? Vous êtes pas d'accord ? Eh bah vas-y, fais péter. Allez, Tali, t'es prête ? Complètement. Eh bah allez, c'est les jeux de rôle de Tali. Tali, donc elle va parler de tout ce qui est jeux de rôle et aussi Fantasy, elle m'avait dit de rajouter ça. Ça sera rajouté la prochaine fois dans le générique, hein, parce que voilà, je l'ai monté vite fait et puis voilà. Bon allez, c'est parti pour Tali. La rubrique jeu de rôle. La rubrique jeu de rôle. Avec Tali. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, bah, pour une première chronique, je pense qu'il va falloir qu'on va introduire qu'est-ce que c'est que le RPG, parce que il existe différentes sortes de RPG sur qui est aussi le jeu de rôle. Il y a différentes plateformes donc qui sont le sur Facebook, forum, plateau. Les GN et le MMORPG. Pour ma part, je vais surtout me concentrer sur la plateforme forum. Ouais. Et en fait, le jeu de rôle, c'est le simple fait d'incarner un personnage. Donc quand on marche sur la plateforme forum, au lieu en fait de s'inscrire avec son propre pseudo, truc comme ça, on s'inscrit avec le nom de son personnage. Et ensuite, bah, comme pour un jeu de rôle sur plateau, on va faire la fiche de son personnage que le maître du jeu ou le staff du forum va valider. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans le jeu. Alors souvent, sur forum, les zones de jeu sont faites par catégorie, donc différents lieux de l'univers, comme par, je vais donner des exemples par exemple sur mon propre RPG qui s'appelle Diftania Academy, donc qui se déroule dans l'univers de Tyrannia. On a une quête, vu que la pièce centrale du forum, c'est la Diftania Academy, une école de combat. On a une catégorie qui regroupe tout cette partie-là, donc on va avoir toute l'école, les dortoirs et les zones de combat. Et ensuite, on va avoir une autre partie sur le monde de Tyrannia, donc les différents royaumes. Unkelira, qui est le royaume principal. Puis ensuite, on a Dortlak, Irgos. Et bref, ça marche comme ça. C'est pas très compliqué. Il faut juste écrire, parce que sur forum, Facebook et trucs comme ça, ça marche beaucoup, beaucoup par écrit. C'est la principale différence avec le plateau, je pense. Personnellement, je n'ai jamais fait de jeu de rôle sur table, donc voilà, s'il y en a qui sont qui connaissent le sujet, je les invite à intervenir. Ouais, bah pourquoi pas, moi. Après, bon, bah c'est vrai que moi, jeu de rôle déjà sur table, je n'ai jamais essayé. Ça m'est arrivé de jouer c'est peut-être long. Au MPG. C'est extrêmement long, hein. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement long, par contre. C'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup d'heures devant soi quand même pour... Moi, j'ai fait du RP sur Facebook. Ah, sur Facebook ? D'accord, et tu peux nous en dire un peu plus dans ton expérience, Clems ? Enfin, c'est surtout j'ai fait ça en conversation instantanée, donc du coup c'était vraiment que du texte, on mettait à chaque fois le nom du personnage, donc c'était presque pas du roleplay, mais si tu veux... J'en ai fait aussi avec ma sœur, par SMS, on s'envoyait à chaque fois, on avait fait toute une histoire ça faisait à moitié une fanfiction Sherlock. D'accord, ok. Bah c'est un peu aussi quand même du jeu de rôle, non, Tali ? Oui, c'est ça. Oui, c'est du jeu de rôle. Ça fait partie aussi des plateformes qui peuvent exister et que bah, après souvent on joue par deux, trois. C'est genre souvent en petite communauté. Moi personnellement, quand j'ai débuté le RPG, ça m'est arrivé avec des amis de faire ça par SMS. Ça permet quand on a par exemple des heures de libre, qu'on sait pas trop quoi faire, bah, avec un pote on se fait un petit RP et puis c'est toujours sympathique. J'ai une question par rapport... C'est surtout très drôle de relire en fait. Oui, parfaitement, c'est très ludique. J'ai une question par rapport RPG sur par SMS. Comment il fait le maître du jeu comme ça par message? Ah bah dans ce genre de cas, il n'y a pas de maître du jeu ni rien. L'univers se fait entre les deux joueurs. Hein. C'est juste pour s'amuser. Ouais, c'est au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, l'univers. C'est le feeling. Ah, ça va être sympa ça. D'accord. En gros, J'en ai relu des anciens. C'est vraiment, ma soeur, c'était vraiment très très drôle. Bon, bah c'est cool en tout cas. Mais sinon, Thalie, donc au niveau du forum, c'est administré donc par un modo qui accepte donc les pages et tout. Et au niveau des univers, il y a de tous les univers ou c'est dans un univers bien précis? Alors sur forum, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'univers qui existent parce qu'il existe une multitude de forums RPG. On peut aussi bien trouver du Medieval Fantasy, que du City, que du Steampunk, que du Post-Apo, que du Star Wars. Il existe vraiment des RPG quasiment sur tous les thèmes, sur tous les univers. C'est même sur une série, trucs comme ça. Par exemple, pour mon expérience personnelle, je suis sur des RPG Game of Thrones. Oui, il doit en exister, mais ça, c'est pas un univers qui m'intéresse. Mais si tu veux, je ferai des recherches et on parlera ça dans une autre chronique. Bah, c'est la grande force du RPG, c'est que tout univers est adaptable à ce format. Non, mais je sais que ça. On en parlera dans une autre chronique si tu veux bien. Donc, sinon, pour revenir au fonctionnement du RPG, pour ceux qui connaissent pas vraiment. Donc, une fois que notre personnage est validé, qu'on veut se mettre à RP, donc on va aller dans une des zones de RP, on va ouvrir un sujet, on va poster une situation. Pour faire simple, c'est l'exemple qu'on donne le plus souvent, par exemple, c'est on va dire que mon personnage s'appelle Thalie. Je vais poster une situation comme quoi Thalie était en train de se balader dans la forêt quand elle se prit une branche et tomba. Voilà, c'est un truc tout nul, mais. C'est son genre. Oui, on ne dira rien, je ne commente pas. Bah, et donc j'ai décidé de RP avec une autre personne qui son personnage, je sais pas, va s'appeler Dorian. Mon partenaire de RP va répondre à cette situation en disant par exemple que son personnage lui aussi se baladait dans la forêt quand il entendit un bruit sourd et qu'il a hâte d'aller vers cette zone de bruit pour ensuite... il vit un personnage au sol, quelqu'un au sol, voilà. Bah, bref, ça marche beaucoup comme ça. Là, c'est très simple, mais... Après, bah, principe de base, c'est des résolutions de quêtes. Hein. Tout dépend du contexte sur lequel tu évolues. Oui, aussi, je suis d'accord. Par exemple, sur un RPG City, donc les RPG City, c'est le nom qu'on donne aux RP qui sont pour un RP qui sont réalistes, qui se passent par exemple dans une ville ou des trucs comme ça. Là-dedans, tu vas pas vraiment avoir beaucoup de événements, de quêtes, trucs comme ça. C'est vraiment un autre univers. Le système de quêtes est souvent réservé au RPG Medieval Fantasy. D'ailleurs, pour en venir à la Medieval Fantasy, la Medieval Fantasy est basée, comme son nom l'indique, sur une époque médiévale. C'est une organisation féodale, l'économie est souvent basée sur l'agriculture, on se bat avec des épées, des albards, des arcs et des trucs comme ça. Le fantastique, donc ça fait référence à tout ce qui est légende, dragon, elfe, nain. C'est un univers que je chéris particulièrement, donc vous étonnez pas, je vais en parler souvent et ça fait partie même de ma chronique. Mm-hmm. Pour cette chronique, j'ai choisi un RPG sur lequel je suis qui est aussi un Medieval Fantasy qui n'est pas inconnu puisque ça se base sur l'univers du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement le RPG s'appelle The Great Adventure. D'accord. Il a l'air d'être bon. Il a vraiment l'air d'être bon. Déjà le nom, j'aime bien. Moi. Franchement, The Great Adventure, c'est vrai que ça a l'air d'être sympa quand même. Great Adventure, c'est... Non, mais j'ai vu ce qu'il y a, à quoi il ressemble et sérieusement, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Il a vraiment l'air d'être sympa et puis on ressent bien l'univers du Seigneur des Anneaux en plus. Donc le contexte actuel se passe après la bataille des Cinq Armées. Les premières choses qui changent par rapport au livre, c'est que pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont regardé les films ou qui n'ont pas vu le 3, je vais spoiler, 30 secondes. Mais, le Seigneur des Anneaux ? Non, The Hobbit. Je parle de The Hobbit, là. Ok, ça se passe après la bataille des Cinq Armées et dans le livre, normalement... Thorin Kili et Fili meurent, Sauf que dans ce contexte-là, un personnage les a sauvés juste à temps, puisque ça a été joué INRP. On est en train de préparer le couronnement de Thorin, qui a récupéré Erebor. Ensuite, pendant quelques mois, on a une contrainterie parce qu'on a été attaqué par des gobelins qui n'ont pas apprécié la défaite qu'ils ont prise. Et bientôt, en fait, on va changer de contexte, puisque on va intégrer d'autres pays, d'autres régions de la Terre du Milieu, et on va justement parler des Béornides, qui ont été réduits en esclavage, tout ça. Et bref, ça s'annonce bien pour tout le monde. Bon. Ah bah c'est cool en tout cas tout ça. Et donc là ça se passe pendant le Hobbit quoi. Ça se passe pas pendant le Seigneur des Anneaux. Non quoi. C'est avant le Seigneur des Anneaux. Mais dans le coup maintenant c'est après le The Hobbit. Donc c'est entre les deux. D'accord. Pour le moment on est 22 membres. Et même si c'est un petit même si c'est pour le moment on n'est pas très actif, parce que c'est en période d'examen. Le forum marche bien, la communauté est super sympathique. C'est vraiment, pendant un moment, on se faisait des délires tous les soirs sur la chatbox. C'est vraiment sympa, le staff est vraiment agréable. Moi, personnellement, depuis que j'y suis, j'ai pas l'intention de quitter le RPG, parce que c'est vraiment cool. D'accord, ok. Très bien. Très bien. Bah, merci en tout cas, Thalie. Tu avais peut-être d'autres choses peut-être à parler. Bon, je pense que pour une première chronique, ça va suffire. Et puis, on parlera. Le reste, j'en parlerai lors d'une prochaine chronique s'il y a. Eh bah, je te remercie en tout cas, Thalie. C'était très sympa de ta part en tout cas. J'ai bien aimé cette chronique. Évidemment que tu nous en présentes d'autres, parce que franchement, j'ai été absorbé par cette chronique. Parce que franchement, j'ai kiffé. Moi, je peux te dire, j'ai kiffé en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, franchement, bah, bien belle chronique en tout cas. Merci en tout cas à toi. Alors, on va passer avec cool. Les Ben. Ok, quand tu veux. Eh bah c'est parti, on y va. Donc, et puis, nous appelle pas les Ben, c'est très très curieux et puis ça fait bizarre. C'est sûr. Allez, on va passer avec Ben et Benji pour tout ce qui et est nous animé pas la manga. Et Ben et Ned, s'il te plaît. J'ai arrêté. J'ai entendu toi-même. C'est déjà fait. Bon, est-ce que je peux passer le jingle quand même ou pas, non? Non. Vas-y. Ah ouais, j'aime mieux ça quand même. Allez, c'est parti pour les animés de Ben et Benji. La rubrique animé-manga. La rubrique animé-manga. Avec Ben. Vu que Benji parle pas, salut tout le monde. Donc moi c'est Ben. Alors dans cette chronique, je vais vous parler de pas mal de choses, vu que pour l'instant je sais pas trop quel point précis je pourrais aborder. Donc je vais notamment vous parler des mangas et des animés que je regarde en ce moment, ceux que j'ai vus qui m'ont vraiment marqué, qui étaient vraiment super bons à regarder, et puis sans doute ceux que je vais regarder plus tard. Donc pour l'instant j'ai pas tellement le temps avec les épreuves de bac et tout, mais dès que ce sera les vacances, je pense que ça va cartonner. Et donc vas-y, présente-nous un petit peu. Manga. Oui, le manga, franchement, c'est une bonne nourriture. C'est une bonne nourriture en tout cas pour ceux qui connaissent pas le manga. Franchement, moi, voilà, mon premier ça a été Death Note, et c'est vrai que franchement le manga, j'ai commencé. T'as bien commencé le manga, pas comme moi. Mais en tout cas voilà, non mais franchement le manga c'est vraiment la vie. Par exemple, tiens, Clems, on va savoir quel est le premier manga, tiens, pour Clems, c'était quoi? Mon premier manga? Ouais. En animé ou en... Non, le manga, papier. Manga, le livre. Manga, le livre. Ah, manga papier? Ouais. Mon premier manga papier, c'est un manga Pokémon. Oui, sur Zoruya et Zoroark. Puis après, vraiment, une série. Une série, c'est Bakuman. Ah, bah Bakuman, oui. Bah oui, c'est connu, ça. C'est vachement connu. Jiri, t'as lu des mangas de ton côté ou pas? Ouais, bien sûr. Bah moi, j'ai commencé avec un gros classique, à Dragon Ball. Puis Détective Conan et Naruto. Oh, ah bah oui. Attends, Naruto et Détective Conan, c'est vrai qu'ils sont sympas aussi, ceux-là. Thalie, t'as commencé par du manga aussi? Attends, je vais en parler de Naruto, on va rigoler. Thalie? Bien, moi, mon premier, le premier manga que j'ai lu, c'est mon jumeau qui me l'a présenté, c'était Tsubasa et The War Chronicle. D'accord. Ok, très bien. Très par bien. Contre, niveau anime, c'est pas aussi glorieux. Hein. Bon. Je l'ai dit tout de suite. Et sinon, quand même, Ben et Benji, vous avez quoi au niveau de vos besaces, au niveau manga et animé? Alors, je crois que je vais commencer. Alors, dernièrement... Ouais, regarde, meilleur pour la fin. Non, pour revenir ce que le dernier manga que j'ai lu en ce moment, la dernière série que j'ai lu, c'est Berserk, avec beaucoup de honte. Et pourquoi tu peux nous raconter au moins l'histoire de Berserk? Alors Berserk, ça va être extrêmement compliqué puisque c'est comment dire, on spoil très vite. Donc je vais vous faire le speech de base. Donc au moins le mec, speech de base, ouais. Voilà, donc un mec méga badass qui s'appelle Guts. Et son but dans la vie, c'est survivre. D'accord. Donc tu vois, c'est comme dans Minecraft, tu vois, tout est joli, tout est beau. mais tu sens mon ironie là. C'est pas un seinen, Berserk. Si, c'est un seinen, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement gore, c'est de la dark fantasy. D'accord. Donc je pourrais comparer ça, mais à Skyrim. Mm-hmm. Tu vois, l'univers de Skyrim, sauf que ce serait des bisounours pour lui. D'accord. Il est tout le temps au combat, il ne vit que pour ça, il prend même du plaisir. Dans l'un des tout premiers tomes, où il tue un démon, d'accord. Il a l'épaule déboîtée, il a la main totalement fracassée, il a le corps bien en sang, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est se marrer. Tu vois à quel point déjà mentalement il est. En gros, il se marre en tuant en fait. En fait, il se marre en tuant. Il y prend un certain. Enfin, il y a pris goût à force. Après, faut voir l'enfance qu'il a eue. Donc, ça, je vais pas le spoiler, je vais vous laisser la découverte. D'accord. Mais en gros, il. Comment dire. Ce personnage, il est magnifique. Il est à la fois dark, pour ceux qui connaissent DBZ, on pourrait le comparer à un Trunk. Le Trunk du futur, avec l'épée et tout. Mmh. La première fois que vous le voyez, vous dites il est magique ce mec, il a à la fois un côté sombre et une épée qui est méga stylée. Et bah Trunks à côté, il est vraiment petit zizi. D'accord, ok, ouais. Parce que voilà, vous voyez Trunks, il a des super pouvoirs et tout. Le gars, il n'a rien, il n'a que son épée et ses couilles. Et ah, ouais, d'accord, il est vraiment petit par rapport au héros de Berserk en fait. Voilà, le gars il s'affronte 100 mecs à lui tout seul. Donc, vous voyez la puissance. Ouais, je vois quand même, ouais. Voilà. Dans le même genre de seinen, enfin, comment dire, pas vraiment, on change radicalement de style, mais on va parler beaucoup plus populaire, ça va être SNK, donc Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans en français. Ah, oh, putain, t'es obligé de me parler de ça, toi, putain, tu. Eh bah oui, justement, j'ai choisi ce manga spécialement pour toi, vois-tu. Deux secondes, je chante le générique. Il va essayer de lancer le générique, mais il va jamais y arriver. Mais t'inquiète pas, je le mettrai en fond, y a pas de soucis, t'inquiète pas. C'est pas rien. Mais on a confiance en toi. Par contre, je peux pas passer plus de 30 secondes, donc t'as intérêt de parler pendant 30 secondes de ce manga. Il essaie juste pas que je le fuck, c'est ça. Je suis même niveau que toi maintenant. Non, je vais vous faire rapidement le speech de SNK, c'est l'humanité est enfermée dans 3 murs. Enfin, dans des murs, voilà. Enfin. Ah ouais, carrément, ouais. Tu dis écrire ça comme ça, en fait. Bah ouais, ils sont dans un enclos, on va dire. Et je comparerais ça, par exemple, à un Walking Dead. Sauf qu'à la place que ce soit des zombies, c'est des titans. Donc en gros, des mecs qui vont de 3 mètres de haut jusqu'à 15 mètres. Pour les titans normaux, bien sûr, vous doutez qu'il y aura des rebondissements. Et qu'il y en aura certains qui auront certaines capacités spéciales. Vous voyez le délire. Et c'est à la fois gore, c'est mal. Enfin, c'est extrêmement bien écrit, les dessins sont magnifiques. Ouais, mais ça, c'est plus un shonen qu'un berserk. Hein. Oui, je suis d'accord, mais on y retrouve quand même le côté gore. Oui. Et. Comment dire. La pression des titans aussi, je veux dire, ça fait quand même flipper de voir un mec de 20 mètres de haut devant toi. Ah oui, bah non, mais t'imagines. On aperçoit. Attends, t'imagines, t'es en train de bouffer. On se dit attends. Que les persos sont dans une situation déplorable. Oui, ça c'est vrai, mais imagine déjà que toi tu serais prêt en train de bouffer une boîte de maïs, tu trouves géant vert. Donc c'est sûr que tu vois un titan devant toi, je suis sûr que tu ferais moins le malin quand même, hein, d'un autre côté. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais après, ça dépend avec quel perso tu es. Oui, c'est vrai. Puisqu'il y en a qui se révéleront beaucoup plus utiles que d'autres, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon. On va peut-être laisser la parole à Ben aussi, sinon vite fait. Oui, non. J'aime bien parler comme ça. J'aime bien entendre ma voix, tu vois, ma voix douce et suave. Oh bah t'inquiète pas, elle sera douce et suave aussi. Le truc c'est que moi si je parle, je vais être inarrêtable. Donc autant que tout le monde parle avant moi. Mais bah, justement, et en fait, Benji, tu pourrais nous parler aussi de l'animé d'Attaque des Titans. L'animé d'SNK, alors. Oui. L'animé est juste magnifique. Y a rien à dire là-dessus. Le seul reproche que je ferai, ce sera sur le 25e épisode, donc le tout dernier, où, comment dire, je suis... Enfin, l'auteur nous fait un énorme doigt. Et ceux qui ont produit cette série nous font un énorme doigt. À la fin, ils nous laissent... Avec un gros cliffhanger, et on a tous la hype, sauf que la seconde saison ne sort pas. Voilà, c'est ça. Et la saison n'est toujours pas encore prévue. Non, la saison 2 n'est toujours pas prévue. En ce moment, ils sont en train de faire l'OAV de Birth of Levi. Donc, c'est un manga qui retrace la vie de Levi Ackerman, qui est l'un des personnages centraux du manga, que tout le monde kiffe. Tu comprendras pourquoi en le lisant. Et en ce moment, ils sont plus en train de sortir cette série qui est tout bonnement magnifique aussi. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, merci en tout cas, Benji. T'avais d'autres choses à parler vite fait ? Après en manga, qu'est-ce que je pourrais te parler? Il y a les grands classiques, donc DBZ, Naruto, One Piece. Tu nous laisses ça pour la prochaine chronique, c'est ça? Ouais, je pense un peu. Ok, d'accord. Ben, on va te laisser ton tour. Alors, moi, le truc, c'est que là, j'hésite encore à quel sujet je vais présenter. Alors, j'ai commencé à parler des mangas que je lis en ce moment. Tiens, je pense que c'est une bonne solution. Mais vas-y. Alors là, tout frais d'aujourd'hui, j'ai acheté les tomes 1 à 5 de Ergir. Donc, j'avais déjà vu l'animé et je suis en train de le revoir pour une troisième Ergir, fois. Ergir, c'est le bien. Oui, c'est le bien. Sinon, j'ai acheté aussi début de semaine les Kolewa Zombie Deska, que j'ai fini d'ailleurs aussi, au passage. En gros, le mec, il va nous déballer sa liste de courses, là. Mais là, c'est simple. Au lieu de manger des bons plats, je mange des pâtes et puis je lis des mangas, voilà. C'est bien, les mangas, c'est le bien. Oui, non, franchement, ouais, le manga, c'est vrai que c'est vraiment le bien. D'accord, ok, très bien. Bon, bah... Et puis, après, je suis aussi en train de suivre plusieurs autres séries, donc Claymore, en attendant le tome 26... je suis sûr que sa volonté soit faite. J'attends le tome 20 puisque le tome 19 vient juste de sortir. J'ai acheté d'ailleurs aujourd'hui aussi. Et sinon, je suis toujours en train de lire aussi. C'est les Shingeki no Kyojin. Donc j'ai déjà lu les scans qui sortent en ce moment. Sauf que je suis en train d'acheter les mangas aussi parce que c'est tellement un bon manga et un bon animé que j'ai décidé de tout acheter. Non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que les scans en ligne sont incomplets pour certains. Ouais, c'est vrai que c'est très complet. Moi, j'ai un tome, le tome 12, sans vouloir spoiler, il y a un passage à la fin qui n'est pas dans les scans et j'étais vraiment déçu parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important dans la suite de l'histoire. D'accord. Et sinon, si t'avais un manga particulier à nous présenter, ça serait lequel ? Un manga particulier ? Ouais. Alors, il y a un des mangas, le premier manga que j'avais acheté c'était Naruto, mais j'avais vite abandonné puisque c'était pas un manga qui me plaisait plus que ça, surtout vu comment la tournure que ça prenait, j'ai décidé d'arrêter. Nique pas ma prochaine chronique. Non, justement, je ne dis rien. Et du coup, les premiers mangas que j'ai achetés derrière, ça a été Que sa volonté soit faite et les Saint Seiya Lost Canvas. D'accord, et tu peux nous parler par exemple de Que notre volonté soit faite? Alors, ça va paraître bizarre pour certains. Donc c'est un ecchi shonen. Ouais. Donc ça veut dire qu'on verra quand même des passages un peu, je dirais romance, un petit peu intime. Bon, il y a pas de scène de sexe non plus. C'est pas un hentai, hein, faut pas abuser. Mais en gros l'histoire, je vais pas en dire trop non plus. C'est un jeune homme, si je me trompe pas, je crois qu'il a 16-17 ans. Ouais, 17 ans, il me semble, oui. Et parce que j'ai dit, je vous parle de ça un peu à l'improviste, puisque j'ai prêté les 10 premiers tomes à Benji. Alors, sourire. Du coup, là, j'ose pas dire de conneries. Donc, il a 17 ans. Et sa passion à lui, en fait, c'est les jeux vidéo. Donc, il est accro à ça. Il en joue même en cours. Il a 10 000 PSP sur lui. Enfin, il peut jouer pendant des heures sans qu'il y ait de problème. Non, là, c'est, moi, c'est le rêve de tout homme. Manga, non, Benoît, ce qui m'intrigue, Ben, ce qui m'intrigue dans ce manga, c'est que le mec, il a une PSP, mais la batterie de sa PSP dure une semaine, en sachant qu'il joue non-stop. Ah oui, qui quand est même, son oui. fournisseur de batterie. Ouais, ça se demande et ça c'est sûr. Pourquoi parce que Apple c'est vrai ne que l'engage pas. Ça, c'est clair. Si tu trouves ça bizarre, la suite du manga va te paraître encore plus bizarre. Donc du coup, ça c'est que le début. Ouais. Donc il fait que de jouer à des jeux vidéo, sauf qu'à côté, niveau relationnel, on va dire dans la vie réelle, il est absolument naze. Il s'engueule avec tous les gens de sa classe. Il est légèrement méprisable, parfois vraiment haïssable par certaines personnes. Et pourtant, il va lui arriver quelque chose de très comique. Bah, qui va être un peu répétitif, c'est vrai, mais je trouve que le début à chaque est fois vraiment c'est évoqué dans un sens différent. Donc il va rencontrer une démon avec qui il aura un contrat et son but sera de capturer des âmes en fuite qui se logent dans les cœurs des jeunes filles. Ah oui. Alors, une âme en fuite en fait c'est l'âme d'un démon qui va se réincarner dans les enfants que les femmes auront. Alors du coup il doit les capturer, pour ça il doit en elle l'amour. D'accord. Et donc c'est là où c'est drôle, c'est que il est pas du tout doué. Il a énormément d'expérience dans les jeux, mais niveau vie réelle, il a l'équivalent d'une crevette. D'accord. Donc il va devoir se débrouiller avec ça. Il va utiliser ses techniques. Si je puis dire, sur les filles réelles, et ça, c'est vraiment très très drôle à regarder, même si c'est vrai que c'est un peu répétitif, je l'accorde. Mais il faut préciser que pour les jeux auxquels il joue, c'est pas du RPG, c'est pas du Pokémon, hein. C'est que des jeux de séduction. C'est que des jeux de drague, voilà. D'accord, ok, très donc, bien. Donc il va se servir des techniques de drague qu'il a apprises dans ses jeux, de ses schémas où on n'y comprend strictement rien, pour séduire une femme. Ok. Très bien. Bah merci en tout cas les gars pour tout ce qui est au niveau manga. Vous avez quand même d'autres animes, quand même un petit animé, un petit dernier quand même à parler vite fait. Un petit anime. Ouais. Tu veux un truc totalement nawak de ton époque. Ah bah si tu veux, tiens, vas-y. Et bah Okuto no Ken ou Ken le survivant en français. Voilà. Mais oui, mais Ken le survivant, on l'a connu. Se fait saigner des oreilles. Ouais, non mais t'inquiète, y a pas de souci, ça sera corrigé au montage, y a pas de souci. Voilà, tu mets bien en VO. Hein. Ouais, ben non, c'est sûr. Donc sinon, parle-en un petit peu. De Okuto no Ken ? Mais oui ! C'est marrant, moi j'ai pas vu la série en entier. Du coup, Ken le survivant, c'est un mec qui est méga badass, qui maîtrise la technique du Okuto. Donc en gros, c'est un maître du kung-fu. Il appuie... Enfin, il prend ses deux pouces. Il appuie sur les poignets et tu meurs. Voilà, il prend ses pouces, il te les colle contre la tempe et ta tête explose. Ça n'a aucun sens, c'est totalement débile, c'est magique. Et comment dire? C'est dans un monde post-apocalyptique. Oui, voilà, c'est en pour parler des. Oui, je peux faire un rapport avec des films qui sortent récemment, comme c'est dans le même style de monde que celui de Mad Max. D'accord. Vous voyez un monde un peu steampunk, vraiment apocalyptique. Ok. Les ressources principales sont bien sûr l'eau et puis tout ce qui sert à se nourrir, c'est vraiment les besoins primaires qui vont faire face dans ce manga là. Mmh. Et entrecoupé de scènes de combat et un petit mot sur l'animé qu'on a eu en France, qui était bien sûr sur le club Dorothée, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, qui était totalement magnifique, où un épisode au Japon durait 20 minutes et chez nous il en durait 10. Parfait. À cause des scènes de censure à cause de la censure française, et que les doubleurs avaient cette pression, car ils jugeaient le manga trop violent. Du coup, on a eu des doublages magnifiques, dignes de ceux de Nicky Larson. Oui. Du coup, je préfère oublier ce. Ouais, mais là, est-ce que je peux intervenir par rapport au doublage? Bah, vas-y. Objection! Parce qu'en fait, le truc, c'est que les dessins animés, c'est comme en Amérique, il y a des créneaux spécifiques pour les adultes. Et en France, on n'avait pas ça. Et du coup, bah, ça collait pas du tout à l'esprit. Par exemple, c'est un épisode de Ken le Survivant, on va dire, ça passe le vendredi à 22h. Donc, c'est pas le même public que le gamin de 3 ans qui va regarder Dorothée. Oui, donc, je suis d'accord, mais... Je suis d'accord, mais ce qu'on a aussi en France et que tous les autres pays n'ont pas, c'est le CSA. Et le CSA pose vraiment problème par rapport à certains animes, des fois. Mais c'est vrai que ça pose problème, même pour tout, hein, le CSA. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, fait que le CSA. En fait, en gros, on fait ce podcast, c'est parce que, voilà, le CSA, en ce moment, ça mène la vie dure, parce que, voilà, par exemple, tiens, une bonne erreur du CSA, par exemple, vous voyez, tout ce qui est jeux 18+, et tout, quand on en parle, on peut en parler qu'à 22h. Alors que franchement, excusez-moi, mais à 22h, voilà, ça serait plus 16+. Et les films pornographiques qui étaient diffusés sur Canal, c'était à minuit. Donc voilà, oui, j'ai connu ça. Si vous vous posez la question, je vous connais, les mecs. Je viens de comprendre pourquoi je n'ai plus de Wi-Fi à 22h. Et pourquoi? C'est 22h. Oui, d'accord, Clems, ok, ouais, j'ai compris. Non, parce qu'en fait, Clems, elle nous raconte un petit peu chez elle qu'en fait, elle sera obligée de quitter le podcast plus tôt, mais c'est pas grave, on lui fera de gros bisous quand même, y a pas de souci. Donc, oui, Benji, vas-y. Non, je disais, pour revenir au CSA, il y a quand même France 4 qui a diffusé le Shingeki no Kyojin en entier. Enfin, tous les épisodes sur France 4 qui étaient à 10h, mm-hmm. Et l'anime restait tel qu'il était. Ouais. Même s'il y a quand même de la censure par rapport au manga, ça, on va pas le nier. Mais l'anime restait bien et la VF était nickel. C'est sûr. Oui, sûr. Je regarde des mangas en VF, honte à moi. Et puis je vais. Non, des animés, faut pas mélanger, hein. Ah, excuse-moi, j'ai dit des mangas, excuse. Ouais. Non, oui, des animés. Et maintenant, je vais aller me suicider puisque je regarde Fairy Tail en VF. Non, mais des animes qui sont doublés en français qui sont très bons. Hein. Ah ouais, les South Park, mais... ou les Simpsons. Non, des animés, des trucs. Oui, mais SFR. Oui, mais là, on parle de South Park, c'est une série américaine. Non, on parle des trucs de tout ce qui est japonais, je dirais. Ouais, bon, après, moi, c'est vrai que les mangas, moi, c'est plus la version Club Dorothée, donc c'est pas ce qui se fait de mieux en doublage, mais il y a des choses qui sont très bien doublées. Non, il y en a certains. C'est vrai après, c'est aussi une question de goût, hein, aussi, mais bon, je sais pas, c'est pas parce que c'est doublé. Généralement, les mangas, les animes, quand tu regardes, quand tu es petit, donc ça va être du genre. Personnellement, moi, dans mon cas, c'était Goldorak, Captain Plan, Ablator et trucs comme ça. Je m'en foutais un peu des doublages, hein, mais. Non, mais tu sentais quand même que parfois c'était lourd. Ouais, mais après, c'est. Bon, aussi moi, je me parce que ça, c'est aussi une volonté des doubleurs, ils avaient pas les limites. Ouais, mais tu regardes des fois tu te dis que les mecs ils avaient juste aucune limite, c'est totalement débile. Mais justement, c'est ça le truc. Le seul fait de leur intonation, ça change un personnage. Mais oui, justement, c'est pour ça que les vrais doubleurs, bah, je sais pas, un mec qui va doubler un acteur connu ou même un dessin animé, il va essayer de rester dans le même ton. Mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas de limite, mais il faut aussi dire que. Je sais pas, quand on parle des dessins animés du Club Dorothée, c'était les débuts, donc ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Et c'est vrai qu'avec le recul, bah, y a les gens qui adorent parce que c'est super kitsch. Et il y en a qui trouvent que c'est de la merde, c'est tout. Mais il y en a qui aimaient ça parce que c'était de leur époque, oui, aussi, d'un autre côté. Comme ça, mais voilà. Ouais. D'accord. Ouais, c'était vraiment les débuts du doublage, donc on peut pas vraiment leur jeter des tomates en disant que c'était de la merde ce qu'ils faisaient, quoi. Bah non, oui, c'est juste que je sais pas, ils avaient une liberté, on leur a laissé faire ce qu'ils voulaient, et puis après. Non, justement, là, pour si j'en reviens au Coton Weekend, justement, ils avaient pas vraiment une liberté, c'était les doubleurs qui ont fait pression pour modifier. Oui, parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent. Et c'est clair que les mecs qui a fait, je sais pas, la technique du haut couteau de cuisine, franchement, c'est... mais putain, mais qui c'est qui peut pourquoi avoir une idée de merde comme ça encore. Comment? Pourquoi t'assassines l'humour encore? Non, mais c'est pas de l'humour, justement. C'est le mec, je crois qu'on devrait le dilapider, le mec. Mais couteau de cuisine, couteau de salle à manger. La phrase culte, les temps, c'est comme les œufs, c'est dur. Non, mais c'est quoi? Le mec, faut le tuer. Mais oui, là, on est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que le public était super jeune et lui, il comprenait pas de toute façon. Oui, je suis d'accord qu'il y avait le fait que le public soit jeune, mais dans ce cas-là, il fallait changer les horaires de diffusion. Et Mais justement, mais ça, le club Dorothée, comme ils disaient Dorothée à l'époque, c'est qu'ils achetaient les dessins animés pour trois fois rien. Et d'ailleurs, c'est hallucinant ça. Moi, c'est un truc, un constat que je fais souvent, c'est que quand je regarde les dessins animés de nos jours, hein, les gamins ils regardent les dessins animés, t'as des trucs, t'as des robots, trucs cinématiques et tout ça. Tu demandes aux gamins qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ? Ils comprennent pas. Alors que nous, à notre époque du club Dorothée, on avait des dessins animés, je sais pas, avec Tom Sawyer et tout ça, enfin, qui avait des moralités, il y avait une qualité quand même, je sais pas, Dragon Ball, en dehors d'être un truc où il y a de la baston partout, c'est quand même, ils s'unissent contre des méchants pour triompher, le mec, pour sauver son ami, il devient plus fort. Et à l'époque là, voilà, les dessins animés étaient quand même d'une certaine qualité, avait une certaine éthique, et c'était pour les Français, TF1, machin, bidule, de la merde, pas cher. Donc, et là, maintenant, souvent, c'est le contraire. Et par rapport au doublage, je pense que c'est pareil. Ils disaient, de toute façon, je m'en fous, le gamin, il va bouffer sa sucette et regarder le dessin animé. Que tu payes un mec qui fasse un doublage super propre ou un truc de merde, bah, c'est pas grave. Tu vois, c'est juste une erreur, c'est juste ça n'était pas adapté. Je pense qu'on est un peu en train de divaguer parce que personnellement j'ai perdu le fil. Hein. Non, oui, mais je parlais par rapport au doublage, bah justement que le public n'était pas adapté, mais de toute façon voilà c'est comme ça. Non, puis même faut se dire qu'à cette époque-là c'était pour la télé, donc ça veut dire que c'était pour le pognon. Oui, voilà, c'était TF1, ils avaient les dessins animés pas chers, donc ils faisaient doublage pas cher, et puis tout le monde était content. Ouais, voilà, c'est ça, on dénature le manga pour faire du pognon, c'est dégueulasse. La joie du capitalisme. Mais d'ailleurs, je crois que les Cannes Survivants, j'avais une fois entendu parler de ça, qu'ils avaient fait une nouvelle version qui ont été redoublées, et ça avait été diffusé dans un cinéma à Paris. Et d'ailleurs, il y avait le mec qui a fait le manga, machin bidule, qui était venu exprès déplacer pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ah ouais? Ouais, ça c'est. Je peux pas le confirmer à 100%, mais à l'époque où je suivais bien les trucs de Animeland, j'avais lu un truc comme ça. Ok. Donc c'est qu'il y a eu du retour. Je vérifierai. Ouais. Je vérifierai. Ah bon, voilà. Bafouloué, tant mieux. Non, mais c'est parce que j'étais en train de manger un gâteau, parce que j'étais en train d'écouter ce débat passionnant. Vous auriez pu continuer. Bon. Non, mais je suis désolé, mais moi j'ai dû gérer une dispute entre deux sœurs en même temps, donc j'étais un petit peu entre deux eaux. Mais... Ouais, et non, mais j'ai complètement éclipsé, moi. Non, mais c'est vrai que d'un autre côté, voilà. Ok, bon, bah le doublage français de l'époque de Dorothée, c'est vrai que. Bon, bah. Pour les gamins, c'était vraiment sympa, mais après, c'est sûr qu'on peut pas comparer tout ce qui était les dessins animés d'antan qui les dessins animés maintenant. Quand on voit par exemple. Si, on peut les comparer. Je vais juste vous couper une fois encore. Bon, maintenant, on va aller plutôt du côté comics, mais par exemple, manga, malheureusement, je me suis pas mal éloigné ces temps-ci. C'est qu'au niveau des comics, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au timbre de voix, et par exemple, DC Comics avec la Warner, quand ils font les dessins animés, tout ce qui est Batman, tout l'univers, etc. Bah, le Batman souvent... de 98, c'était la même époque, et il était parfait. Voilà, et justement, voilà, en fait, tous ces doubleurs-là, ils sont souvent encore présents, même dans le prochain jeu, bah, de toute façon, j'ai bien furqué sur Batman après, et les doubleurs sont super bons, et ça, c'est vraiment, pour moi, tip-top niveau doublage. Bon, après, par contre, pour les DC Comics, c'est l'inverse du manga. Avant, c'était bien, aujourd'hui, c'est naze. Non, parce que DC Comics, bah les comics, ça a toujours été alors, super basique. Hein. Je voudrais réagir moi, là-dessus. Moi, super pu voir, moi, casser les gueules, toi, moi, gagner, moi, sauver le monde. C'est tout. Non, je parle pas au niveau scénario, je parle au niveau doublage. Ah non, je suis pas d'accord. Excuse-moi, Benji, non. Je voudrais réagir, mais moi, j'ai déjà vu des animés récents, enfin, des comics récents, des dessins animés, des films de dessins animés, excuse-moi. Le dernier que j'ai vu, ça a été quand même Batman Arkham en Assault. Assault en Arkham, pardonnez-moi, je fais toujours la même erreur. Franchement, le doublage français était de très bonne qualité. Comme le Superman, pardonnez-moi, c'était The Dark Knight Returns. Oui, qui mais était si franchement tu prends très, des très productions bon. Qui sont faites pour être diffusées à la télévision, ça s'est empiré. Mais non, moi je pense pas parce que en fait bon à part bon les très anciens ça fait depuis quasiment 20 ans que c'est les mêmes doubleurs. Tu sais que moi j'ai vu des anciens dessins animés de Batman des années 70 même 80 et il y a certains doubleurs qui étaient déjà là. Et c'est justement moi je comprends pas pourquoi on peut critiquer ça. Après c'est clair que par exemple le mec qui faisait le Joker, je sais que c'était Mark Hamill en Amérique, c'est le mec qui fait la voix de Doc. Bah le mec il a pris sa retraite par exemple, donc là il y a un nouveau doubleur. Mais la plupart du temps c'est exactement les mêmes depuis au moins 20 ans. Et je sais pas, t'as des acteurs vachement talentueux. Adrien Antoine qui fait la voix de Batman, excellent. Ou t'as, qu'est-ce qu'il y avait encore comme personne connue? Le mec qui faisait Superman pendant de 96 à il y a 2-3 années, bah c'était le mec qui faisait la voix notamment de Pierce Brosnan. Tu sais, c'est pas des doubleurs de merde. Et puis. Oui, d'accord, mais moi je parle de la. Comment dire? Je parle des dessins animés Batman qui sont récents et qui sont diffusés à l'heure actuelle. Bah ça dépend parce que moi je les connais assez bien hein, les dessins animés. Alors je dois dire que le nouveau Beware Batman là, le truc en 3D, je dois dire que oui, ça c'est vrai que c'est pas terrible. En plus ils ont pris le parti de changer les personnages hein. Alfred c'est un black, ouais c'est vrai que là j'accroche pas trop. Moi pour ma part, j'ai l'impression que les mecs ils ont adapté la série Arrow, la série télé là qui passe en Batman. Quoi, ce qui est Alfred pas... un black? Ouais, c'est un black, ouais. C'est un black. Je le savais pas. Il y a plus de bah, d'ailleurs, mais il y a un asiatique. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde a bloqué là-dessus. Non, mais c'est vrai que ça fait mal un peu quand même. Alfred, mais un black. Un moment, au bout de 75 ans, faut savoir prendre des risques. Alors, petite parenthèse, par exemple, j'ai vu le film notamment avec David Hasselhoff, qui faisait le rôle de Nick Fury. Bah, le mec qui fait K2000, c'était quand même. Merde, comment il s'appelle le gars là? Le chef du SHIELD là. Oui, Samuel L. Jackson. Ouais, bah je trouve qu'il y a quand même une petite différence, quoi. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, ouais. À un moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages comme ça dans les comics qui sont devenus des blacks ou des asiatiques, bah, histoire d'avoir un peu de parité. Après, les dessins animés, par exemple, comme Brave et Bold... Ouais, mais là, on parle de films avec des acteurs. Donc, après, ça change pas vraiment le problème que... Bah, c'est le doublage, qu'on change d'acteur, vu que le personnage reste le même. Moi, je parle des divers. Tu vois, tu parlais des divers Batman. Enfin, les dessins animés, tu parlais ou des films de. Les deux en général. Parce que il y a des dessins animés très différents. La série Brave and Bold, en fait, c'est un hommage aux comics des années 70 où il y avait des duos. Et c'est vrai que le côté cartoonesque, bah, c'est juste un style différent. Après, il y a eu tous les Batman, les trois séries de Batman 92, 95, 97 qui sont de continuité. Mais à la base, c'était fait pour faire de la pub par rapport au film de deuxième de Tim Burton. Donc, ils étaient obligés de coller une certaine image par rapport au film. Et c'est pour ça que la troisième saison de 97 est très différente parce que du coup, ils avaient plus ce contrat. Après, il y avait quoi comme. Après, il y avait aussi dans la Justice League qui est quand même apparenté. Celui-là, il était magnifique. La série est plus, du coup, calquée sur le comic. C'est pour ça que le Batman est notamment avec son costume tout gris. Donc, tu vois, en fait la plupart des séries, c'est des façons différentes de raconter Batman. Notamment, le dernier épisode de la série Brave and Bold, en fait, il y avait. Il y avait un épisode où il y avait plusieurs Batman différents qui se rencontraient. Et en fait, il faisait un peu un hommage à tous les Batman. Et justement, moi, je pense que c'est ça. C'est que les dessins animés sont différents, mais c'est obligé. Et il y a aussi un truc que je voudrais parler. C'est que il y a des gens comme Disney. Ils estiment qu'une génération d'enfants qui sont publics dure 7 ans. Ce qui fait que tous les 7 ans, tu peux remanier un concept. Et Batman, bah, la série de 92, bah, ça fait quand même plus de 20 ans. Donc ils ont été obligés de faire des séries différentes. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est clair que la série en 3D, moi je ne l'aime pas du tout. Mais moi, je me mets aussi à la place du public. Par exemple, bah, quand on découvre une série, celle de 92, on est calqué là-dessus. Alors que le gamin qui a 14 ans maintenant, qui va découvrir Batman, pour lui, Batman, ça sera la série de ménage. Ouais, parce qu'en fait, on est en train de marquer des trucs sur le chat, et il y a Ben qui est en train de dire scène de ménage entre Jerry vs Benji, fight. Non, moi j'explique juste. Non, mais faut juste prendre ça en compte, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Le gars de 14 ans, il va rester accroché à ce style-là, et du coup, bah, ça fait un conflit entre les différentes versions, mais c'est obligé. C'est, voilà, on a pris nos habitudes, on aime Batman comme ça ou comme ça. Oui, je suis d'accord, mais après, après, je suis pas du tout objectif sur mon point de vue. Là, je parle d'un point de vue extrêmement personnel, et je donne mon avis sur ce coup-là. Mais je suis d'accord que si j'adoptais un point de vue, non, mais ils sont sérieux dans le chat là. Non, mais je parle. Oui, si j'adoptais un point de vue plus objectif, comme tu viens de le faire, je pense que j'aurais le même point de vue, oui. Ouais, non, enfin voilà, c'est juste pour dire que moi je préfère avoir des disons par rapport au Batman, vu que je connais bien ce sujet, je préfère avoir des séries différentes qui me plaisent pas tous totalement, que d'avoir par exemple depuis qui veut gagner, comment on appelle ça, les séries qui durent depuis 50 ans là, genre Dallas, où c'est toujours la même chose, tu vois. Ouais, tu préfères que ça soit un peu comme Star Wars ou qu'on étende l'univers. Voilà, ouais, bah parce que justement, bah c'est vrai qu'il y a de Star Wars, il y a pas mal de séries à part, hein, les Clones Noirs, il y a aussi Rebelles, enfin, c'est vrai qu'en fait, on en a tous un petit peu on a des choses différentes, comment je pourrais dire ça, mais c'est clair qu'on peut pas tout aimer. Après, si on aime l'univers de base, parce que Batman, ça a toujours été pareil, hein, c'est pas un personnage qui a beaucoup changé, mais par contre, Batman, c'est un exemple très parlant parce que c'est un personnage qui s'est adapté. Par exemple, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été influencées les unes les autres. Par exemple, le personnage de Harley Quinn a été inventé dans un dessin animé qui est devenu du coup un personnage. Celui de 98 justement, ça a été inventé. De 92. De 92, ouais, voilà, 98, ça a été. Et justement, Harley Quinn, on l'a retrouvé justement aussi dans les Arkham Asylum parce que c'est le même scénariste dans les deux, ouais, en fait. C'est en même temps, Harley Quinn, c'est devenu un des personnages les plus importants. Hein. D'un autre côté. Voilà, oui, bien sûr, mais justement, Batman, j'avais vu un reportage, je crois que c'est Link the Sun qui en parlait, c'est un personnage qui, contrairement à Superman, qui est toujours plat, qui est toujours le même personnage, c'est pour ça qu'il me casse les couilles, hein, désolé Superman, hein. Alors que Batman, lui, c'est un personnage qui s'est adapté, par exemple, dans les années 60, il y avait la série un petit peu kitsch, du coup, dans le comic, c'est devenu kitsch, quand il y a eu des mecs comme Frank Miller, qui ont fait comme Dark Knight, là, Returns, ils ont fait un truc plus sérieux, c'est devenu plus sérieux, quand il y a eu Killing Joke, c'est devenu plus loufoque, en fait, justement, moi, je trouve, c'est ce que j'aime bien dans le personnage de Batman, c'est que c'est un personnage qui a su vraiment, justement, débat, c'est pas mal. Ouais, j'ai déjà fait un Jiri live sur Batman. Oui, bah oui, je sais, mon Jiri. Mais justement, voilà, c'est un personnage où il y a eu de tout. Alors, bien sûr, on peut pas tout aimer. Mais moi, j'aime le personnage. Donc, du coup, j'apprécie quand même la continuité. Mais l'avantage de Batman, c'est qu'il y aura toujours une évolution au personnage. Vu que. Enfin, je prends un exemple facile, c'est Gadget. Ces gadgets évolueront toujours en fonction de la technologie qu'on aura. Et puis surtout, les plus grandes qualités de Batman, c'est pas ses gadgets, c'est pas son fric, c'est lui-même, c'est ses qualités humaines. Oui, et puis même, si Bruce Wayne meurt, il y aura toujours l'icône Batman, il y aura toujours un autre personnage pour reprendre sa place, ça qui est bien. Mais justement, il y a eu d'ailleurs plusieurs Batman. Il y a notamment son fils, là, celui qu'il a eu avec Talia, qui a repris le costume. Il y a aussi Robin. Il y a d'ailleurs les Robins, je crois qu'il y en a 5. Enfin, c'est un truc de fou. Un personnage comme Batman, c'est un personnage où il y a des séries alternatives, des scénarios alternatifs. Puis même dans Batman, il n'y a pas que le personnage de Batman lui-même. Il y a même tout l'univers, il est super méchant. Juste le Joker, qui est l'un des personnages les mieux écrits qui existent en ce moment. Et c'est pareil, tous les Jokers de toutes les versions différentes, ils sont différents. Ils ont tous des facettes différentes. Tous les Jokers sont différents, mais ça reste le Joker. C'est ça qui est magique. Non, mais justement, à la base, Batman... on parlait de manga. Hein. Oui, bah oui. Mais oui, bon, oui. Du coup, on oui, a mais pas c'est pas grave. Mais autant Eto'o fait l'affaire, c'est toujours intéressant de parler un peu plus, justement, sur le doublage et un peu sur les comics aussi. Hein, d'un autre côté, voilà quoi. Non, bon, mais là, je suis gentil, je lui fais sa transition pour la partie comics. Après, moi, je suis pas du tout un fan de comics, mais j'aime bien ce personnage, et notamment l'univers d'ici, mais bon, après, voilà, c'est... Okay. Je tiens à préciser que j'étais totalement bouffé par deux sauvages. Hein. Non, mais non, je te rassure, non, quand même pas, Ben. Bon, on va quand même te laisser le mot de la fin, Ben. Les mangas, c'est le bien. Voilà, je pense que c'est... Je pars à Mario. Le yoroi, c'est le mal. Voilà. Le yaoi, c'est le mal. Le yaoi, parce que t'as dit le je sais plus quoi. Mais ce débat était très intéressant. Merci en tout cas, Ben et Jerry. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, on parle des Batman. Voilà, donc les doublages, voilà, on déteste, français ou pas. Du moment que, voilà, on se fait plaisir à regarder au moins nos animés ainsi que nos mangas, on se fait toujours plaisir. J'ai envie de parler cinéma et série TV. On y va ? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Je relance tout ce qui est ciné et série télé. La rubrique cinéma, série télé. La rubrique cinéma, série télé. Avec Bafoulio. Ah. Et je vais vous parler série télé et ainsi que cinéma parce que c'est un petit peu mon domaine, je m'y connais pas mal. Et j'ai envie de vous parler d'une petite information. Mec, que sous la pète. Ben non, mais tranquille quoi. Mais je me la pète pas, c'est juste que voilà, j'ai beaucoup de connaissances, je regarde beaucoup de films, je te rassure, Clems. Je peux même te dire que j'ai passé déjà tous les week-ends ainsi que tous les jours fériés que je m'amuse à regarder des animés et des films et des séries télé et des films. Et j'ai envie de vous parler d'une petite information que j'ai reçue de la part de nos confrères d'Allociné. Comme par exemple, vous avez tous un agenda, j'espère que vous aimez tout ce qui est Marvel parce que vous allez en bouffer. Car au mois d'août, par exemple, on aura les 4 Fantastiques, le remake du film qui a existé dans les années 2000. Je ne sais pas si vous avez vu, ces films-là. C'est de la merde. C'est de la merde, franchement. À part Catwoman et Elektra, il n'y a pas de. J'ai vu celui avec l'or d'argent. Les deux sont mauvais. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas vraiment génial. C'est pas vraiment super bien foutu. Et le remake, il y en a beaucoup qui disent que ça va être comme le... Les Batman de Nolan avec un côté plus sombre et tout au personnage, mais tantôt j'y crois pas. Bah pour moi, pour avoir vu déjà la bande-annonce de la part de la Warner ou je sais plus qui, j'ai vu quelques... Non, pas la Warner, excusez-moi, par Universal ou un truc comme ça. En tout cas, je m'en rappelle plus. J'ai vu la bande-annonce et franchement, ça avait l'air prometteur quand même. Parce que c'est vrai que ça avait l'air d'avoir un petit côté sombre. Et franchement, je ne serais pas non plus contre aller voir en tout cas les 4 Fantastiques en août 2015. Qui promet d'être autant sympathique. Comme en juillet, on aura quelque chose. Est-ce que vous connaissez Ant-Man ? Ouais, la fourmi. Voilà, l'homme qui se transforme en fourmi, tout à fait, Jerry. Eh ben, Ant-Man, lui, donc, sort en juillet 2015, et j'en ai vu une bande-annonce. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Marvel ? Je n'ai jamais connu. Je me suis un petit peu promené un petit peu sur le Wikipédia, j'ai un peu... L'homme fourmi. Tout à fait, l'homme fourmi. Et voilà, j'ai regardé un petit peu l'histoire sur Wikipédia. Je sais, c'est un grand encyclopédie qui dit souvent de la merde, mais je m'en fous, je regarde quand même. Et Ant-Man m'avait l'air assez intéressant. Si Benji pourrait se mettre en mute, ça serait bien. Voilà, Ant-Man, franchement, c'était très intéressant à découvrir comme bande-annonce. Et je suis pas contre aussi aller voir ce film. Je vous en dirai plus, en tout cas, s'il y a un prochain podcast pour vous parler, en tout cas, de Ant-Man qui m'avait l'air fort sympathique. Il y en a d'autres aussi. Hein. Par exemple, je peux vous parler de Wolverine 2 qui va sortir, Les Gardiens en mars 2007. Wolverine 3. 3, ouais. Ah, c'est le 3, oui, pardonnez-moi. Moi, c'est d'ailleurs le dernier film de Jackman. Hein. Oui, le dernier film. C'est la dernière fois qu'il joue Wolverine. Et pour attirer le pire. Justement, franchement, est-ce que vous pensez que quand même, Hugh Jackman est franchement un très très bon Wolverine ou est-ce qu'il pourrait être remplaçable ou pas, déjà, de votre côté? Non, disons, remplaçable, non. Non, c'est pas possible parce que le mec, il s'accaparait le personnage. Mais par contre, moi, je voudrais dire juste que Hugh Jackman, c'est le parfait exemple du mec qui, en fait, il est pas Wolverine, il est Hugh Jackman. C'est comme, par exemple, le Joker Nicholson. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Hein. Ouais, tout à fait. En fait, il joue pas le Joker, il joue lui-même. Et c'est ça le truc, parce que... Qui me blesse, quoi. D'accord, ok. D'accord. Et donc, toi, ça te fait chier quand même d'un autre côté que Hugh Jackman quitte le rôle de Wolverine, donc. Bah, surtout que ça voudrait dire que, du coup, bah, s'ils font des films dans la continuité, ils utiliseraient certainement plus ce personnage, vu que, bah, sans lui, c'est pas possible. C'est sûr. C'est sûr, d'un autre côté. Personnellement, moi, je vois pas Wolverine sans Hugh Jackman. En plus, en sachant que le rôle de Wolverine a rendu célèbre Hugh Jackman, je vois pas vraiment comment on peut le remplacer. Et quand j'ai appris, c'est depuis l'année dernière, en fait, qu'il le dit. Et personnellement, moi, quand j'ai lu ce truc-là, je fais « Non, c'est pas possible !» Parce que, franchement, pour moi, Hugh Jackman, c'est vraiment le mec qui incarne à perfection Wolverine. Je peux pas y en avoir un autre, quoi. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que Hugh Jackman, c'est vrai, c'était un très très bon Wolverine. Bon, bah, je pense qu'il va rester plutôt à faire des pubs pour Ice-T. Donc sinon, quand même, on va parler de Batman vs Superman, qui sort en mars 2016. Dawn of Justice. Ben Affect. Avec Ben Affect, tout à fait. D'ailleurs, on était en train de déconner tout à l'heure, avant de commencer ce podcast, sur... Jerry, tu peux nous raconter l'histoire de Tim Burton et Superman ? Non, arrête. Mettez Tim Burton, vous mettez Nicolas Cage, Superman Lift sur Google Images, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, c'est sûr. C'est vrai que ça fait mal aux yeux tout de même. Sinon, on va parler aussi de Deadpool. Est-ce que vous connaissez Deadpool ? Bah ouais, c'est un personnage qui... Bah d'ailleurs, il est dans... Deadpool est trop cool. Il est trop cool, voilà. Mais par contre, ça dépend. Si c'est le Deadpool qui est notamment dans le Wolverine, non, le premier origine... Non, on en parle pas. On le cite même pas. Il n'existe pas. D'ailleurs, ça a été prouvé que ce n'est pas le vrai... C'est un autre Deadpool. Voilà. Et bien il paraît que justement j'ai entendu que pour le film Deadpool paraît-il que le personnage n'allait pas être justement très injurieux pour éviter un interdit trop haut en fait. Si justement en fait le film a décidé les scénaristes ont vraiment fait le choix de faire un scénario comme si c'était vraiment Deadpool quoi. Ah donc, d'accord, ça a changé ouais, alors depuis. Oui, ça a changé depuis et donc je sais plus où mais je sais qu'il va être interdit au moins de 16 ans dans certaines salles. Ah, bah, après c'est pas forcément mauvais parce que déjà le personnage pourrait être lui-même et surtout faut pas oublier que à mon avis le fan de comics c'est un petit peu le même public que le fan de jeux vidéo, c'est plutôt les trentenaires. C'est sûr. C'est sûr d'un autre côté. Sinon, j'ai oublié de parler quand même aussi, excusez-moi parce que je reviens vite fait sur les 4 Fantastiques qui sortent donc en août 2015. Ils ont prévu quand même aussi, d'un autre côté, de faire le deuxième film en juillet 2017 de tout de même. Donc, ils pensent que peut-être ça pourrait fonctionner. Après, à voir si vraiment le premier film fait un carton au cinéma. Si ça fait vraiment un carton au cinéma, on pourra retrouver donc, les 4 Fantastiques donc, en juillet 2007. Sinon, il y a tout de même aussi 2-3 petites choses qu'on a appris, comme par exemple Aquaman. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. S'il vous plaît, non. Non, ce personnage est nul. Enfin, l'acteur est bien, mais le personnage Aquaman... Jason Momoa. Regarde Stargate Atlantis, alors. Ou même, là, c'est quoi que non, mais Jason Momoa, c'est un de mes acteurs préférés, donc si tu veux... C'est pas le mec qui joue Khal Drogo ? Non, mais... Ah, il est badass. Oh non, on peut arrêter d'en parler. Un film aussi pourri. Non, mais c'est un acteur qui est pas très expressif, en fait. C'est pas vraiment un acteur, c'est le magicien. Mais non, mais... De base, je me pose la question, comment ils vont réussir à faire un film sur l'un des personnages les plus useless qui existent ? Ouais, eh ben, en tout cas, c'est le mec qui va nager avec des dauphins, mec ! Mais oui, c'est sûr, et puis... Oui, pour en gros, on va faire du fangirlisme sur Jason Momoa. Avec le mec qui habille en vert et en orange, merde ! Non mais attends, si ça se trouve, le film, c'est juste la parodie de Robot Chicken où tu vois Aquaman en train d'essayer de se suicider pendant 10 minutes. Non mais, à mon avis, ça c'est un film qui va disparaître, c'est pas possible. Eh ben justement, tu vas voir, il va pas apparaître tout de suite parce que ça sera en 2018. Sinon, il y aura quand même aussi une Justice League, mesdames et messieurs. Bah, c'est pour ça qu'ils ont fait l'introduction avec Batman contre Superman. Eh oui, en novembre 2017, ça a été prévu aussi. Donc il y aura aussi le nouveau Thor, donc en juillet 2017. Ah non, tu as tort. Bah pourtant, Thor... Mais est-ce que Loki a tort ? Non mais franchement, Thor est très bien. Franchement, le premier est génial, le deuxième... Non ! Non, deuxième est mieux. Le premier Thor, il est chiant, il est niant. La seule partie qui est intéressante, c'est les scènes avec Loki, sérieusement. Moi, personnellement, ouais. J'ai regardé Thor 1 il n'y a pas longtemps, je me faisais chier devant. Non, je dirais qu'elle n'a pas tort, franchement. C'est tellement niant, à part voir la nana regarder Thor, limite avec un filet de bave, c'est tout ce qui se passe. Il y a juste les scènes avec Loki qui sont intéressantes, parce que lui est vraiment intéressant comme personnage. Parce que sérieusement, voir Jane regarder Thor avec limite le filet de bave, c'est bon, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Hein. Oui, mais faut plaire à tout le monde, hein. Faut plaire aussi à la petite excusez-moi, ménagère. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le premier Thor. Je ne connaissais pas ce personnage de Marvel. Et franchement, là-bas, c'est un dieu. Et oui, à la base. Ouais, comment tu peux pas connaître Thor ? Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, mais j'ai connu Thor Elle préfère Thor. Enfin, elle préfère Loki à Thor parce que Loki, en fait, il a un gros bâton au lieu d'avoir un petit marteau. Oh là là, ça y est, tout de suite les allusions sexuelles. Non, mais c'est. Mais c'est quoi ce génocide de l'humour ce soir ? C'est quoi ce génocide de l'humour ? Mais je vois ça. Steve, d'ailleurs. Je vois ça. Mais en tout cas, donc, le prochain Thor sort donc, comme je le disais, en juillet 2017, pardonnez-moi. Et il y a aussi, j'avais lu et je me suis perdu, The Suicide Squad aussi, si vous connaissez. Ouais. Donc en, août, en août de 2006. On va passer vite fait aux autres. The Civil War, Captain America en mai 2016. Black Panther en novembre 2017. C'est Les Gardiens de la Galaxie, dont le premier film était franchement génial. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai regardé avec la moitié du film et j'ai l'impression que c'était des... Enfin, bon, après, c'est censé être les... comme les Avengers, mais dans l'espace. Ben, franchement, non. Justement, non, Jerry, c'est pas vraiment les Avengers de l'espace. C'est carrément autre chose. Hein. C'est vraiment un truc à part. Hein. C'est... Non, mais ça... Fulio, ça fait partie du même univers, tu vois. Des personnages comme Ant-Man ou Black Panther, c'est des personnages qui font partie de l'univers des Avengers, etc. Ouais, mais faut pas comparer. Mais ça fait partie. Ça fait... D'ailleurs, je sais pas, Ant-Man, ils font un film, c'est parce que du coup, ils vont faire à la fin le gros projet civil, je crois que c'est Civil War, où il y a tous les super-héros qui sont en fight, quoi. Mmh, tout à fait. Et justement. C'est... Oui. Non, c'est bon. Donc ouais, non, mais voilà, moi le premier, franchement, j'avais bien aimé tout de même, et franchement, j'ai envie de le dire quand même, moi j'avais bien aimé, c'était un très très bon film, avec quand même la voix de Vin Diesel qui a été utilisée en anglais comme en français pour faire Je s'appelle Groot, voilà, j'ai envie de le dire, j'ai adoré le jeu s'appelle Groot, sinon il y a aussi... Il y a beaucoup de dialogues, n'empêche, ce gars, hein. Je sais pas comment ils ont arrivé à doubler tout ça. Bah, je crois que la réponse, si jamais ils te posent la question, ils diront « Je s'appelle Groot ». Mais sinon, il y a aussi les Avengers Infinity Wars, premier du nom, qui sortira en 2018, et The Flash en 2018 aussi. Et puis j'ai oublié, oui, Sinister Six. Sinister Six en 2016. Ah, il y a aussi une info, c'est que en fait le personnage de Spider-Man a toujours été adapté, je crois, par Phillips. Et donc du coup, il a jamais pu faire d'apparition dans les films type Avengers. Et il y a eu un truc, maintenant il peut faire partie des Avengers. Mais... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont faire une nouvelle licence, enfin des nouveaux films Spider-Man. Tout à fait, mais justement, tiens, en parlant des Spider-Man, parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle licence Spider-Man, moi je suis déçu, je comprends pas Sony là maintenant en ce moment, parce que franchement, les trois premiers étaient sympas, les deux autres qui étaient sortis juste après, là, il y a pas longtemps, il y a quand même un ou deux ans si je me rappelle bien, franchement, moi je les ai trouvés géniaux, The Amazing Spider-Man était franchement magnifique. Alors, je t'arrête tout de suite. Alors, les trois premiers de Sam Raimi, c'était des films d'action. Hein. Donc, bon, le troisième était un petit peu... Ouais, petit c'était peu des films premier, d'action, mais c'était bon, quand même. Les bon deux quand autres, même. ils les ont fait dans une optique de séduire un public féminin. Alors, ils ont fait un genre de Twilight Spider-Man. Non, je suis désolé, c'est comme ça. Et du coup, ça s'est un petit peu croûté. Bon, ça a quand même été vu, mais ça s'est un petit peu croûté. Et ils se sont dit, soit on descend encore plus bas, soit en reboot. Bah, et en plus, je crois que pour le nouveau film, ils ne voulaient pas de l'acteur qui a fait les Amazing Spider-Man. Donc du coup, ils ont été obligés de faire des changements. Ouais, mais excuse-moi, mais franchement, voilà, l'acteur, franchement, des Amazing, franchement, j'avais bien aimé. Et franchement, je le trouvais franchement génial en Spider-Man. Ça changeait un petit peu du Tobey Maguire qui faisait un Spider-Man un peu serré du cul. Hein, excuse-moi. Bah pas trop, enfin tu devrais regarder les critiques de gens comme Durandal qui a fait une grosse vidéo sur les Spider-Man. Et t'en apprends des choses. En fait, Spider-Man dans le troisième de Sam Raimi, c'est tout sauf un super-héros. C'est vrai. Parce qu'en fait, il arrête pas d'être salaud, dès que Mary Jane veut être avec lui, il envoie chier, il arrête pas de la mettre en danger. Enfin, franchement, je vous invite à regarder ce genre de vidéo là, je crois que c'est celle de Durandal. D'accord. Ouais. Voilà. Ok, sinon je vais vous parler quand même de deux petits, d'une série et d'un film que j'ai vu actuellement et je vais en donner mes impressions. Après vous pourrez en parler de votre côté si vous voulez. Je vais parler tout d'abord de la série télé magnifique et formidable de Marvel. Parce que là je vais parler que du Marvel en ce moment. Daredevil. Et ça viendra, bah oui t'as compris tout de suite mon Jerry, c'est Daredevil. Mais oui, la série qui a été fait exclusivement sur Netflix. Qui est franchement une tuerie énorme. Ça change de ce putain de film qui n'a jamais existé. Et vous l'enregistrez dans votre tête, ça n'a jamais existé, d'accord ? Bon. Je vous conseille de regarder la critique de Monsieur 3D du film Daredevil, qui résume très bien le film. Voilà. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal parce qu'ils ont arrivé à reprendre les bons éléments du film. Hein. Donc ils ont mis Ben Affleck, donc ils ont enlevé les mauvais. Oui, ça c'est sûr. Et ils ont arrivé à faire plus de développement sur les personnages et du coup ça fait quelque chose de vraiment très sympa. Et c'est quoi la deuxième série dont tu veux parler? Bah merci d'avoir niqué en tout cas ma critique sur Daredevil, y a pas de souci. Quand c'est des comics, je peux tout te niquer, y a pas de souci. Donc ouais, non mais sérieusement, non, franchement voilà, comme dit Jiris, franchement on voit plus aux choses au fond du personnage, à la création de Daredevil, franchement on apprend pas mal de choses dessus, c'est vraiment un truc assez intéressant. Franchement voilà. C'est vraiment quelque chose à découvrir, je vous le conseille vivement, c'est sur Netflix, vous payez pas trop cher et c'est franchement génial, voilà. Sinon, j'ai envie de parler du deuxième film, donc du film que je voulais parler aussi d'un autre côté, qui a été le film, et attention, là, je pense qu'il y en a qui vont vomir, ça va parler de Green Lantern. Eh oui, parce que je n'ai jamais vu ce film et je l'ai vu actuellement toute cette semaine. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie? Pourquoi? Mais parce que... Non, il est pas si mauvais que ça. Ah bah franchement, je... Il est... Jiris, si, il est mauvais. Attendez, laissez-moi commencer et puis je vais vous laisser parler après derrière. Bah franchement, voilà, Green Lantern, franchement, on voit la création du personnage, le mec c'est un froussard, il se croit pas pouvoir devenir un Green Lantern parce que c'est un, il est pas courageux à cause de son père qui est mort à cause d'un accident d'avion. Et voilà, et ça commence au début et franchement, il y a des moments où c'est vachement mou, c'est c'est pas... Franchement, moi, je connaissais pas le personnage de Green Lantern au niveau comics. J'y connais rien. Excuse-moi, je dis... Je sais pas que je débute, mais je... Voilà, je n'aime qu'une personne. Moi, c'est Batman, monsieur. Et Iron Man, c'est tout. Mais tu sais que moi, par exemple, regarde, moi, j'ai jamais aimé Superman. Ouais. Mais vu qu'il y a des bons... Mais moi non plus. Des bonnes séries avec Batman et Superman ensemble, du coup, j'apprécie le personnage quand même. Oui. Ok, si tu veux... Mais franchement, voilà, moi, Superman, franchement, c'est un mec que je peux pas guérir. Le mec, en fait, c'est juste un marsouin qui vient sauver la Terre, c'est tout. Mais sinon, sans déconner, franchement, voilà, The Green Lantern, franchement, ça m'a pas accroché. C'est pas mal quand même pour passer un petit moment en famille ou un truc comme ça et tout. Mais franchement, ça m'a pas scotché vraiment. Et puis, l'acteur quand même de Green Lantern... Bon, il est très bon. Il est très bon dans ce Green Lantern, je l'admets quand même. Mais franchement, voilà, je n'ai pas vraiment accroché au film qui a franchement été pour moi à des moments mais lents, même dans les phases d'action. La scène finale, un bon moment de scène finale quand même. Non mais je pose pas la scène finale. Je dis juste le temps de la scène finale. Pour moi, elle a duré 2 minutes. Pas plus. Mais bah vous, franchement, de nos jours, regarde, il y a tellement de films de super-héros. T'es d'accord avec moi, ils peuvent pas tous être excellentissimes. Alors quand tu fais de très très bons films, du coup, un film qui est un petit peu moins bien, bah, du coup, il passe pour quelque chose de très mauvais. C'est comme, bah, on va faire les films français. Attention, Jerry, je n'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que c'est un bon moment quand même, mais voilà, moi qui est fan de tout ce qui est super-héros, etc. et tout, franchement, je n'ai pas accroché. C'est ça que j'ai envie de dire. Le pire bafou, c'est que, je crois que toi aussi tu l'as vu, c'est que à la même période, ils ont fait un anime de DC, là, les longs métrages dont on parlait l'autre fois, oui. qui reprend le personnage, et cet anime, il le replace certainement à l'époque de la création, peut-être dans les années 60, etc. Et lui, par contre, le film est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Oui, l'anime, tout à fait. Mais par contre, le film live, franchement, voilà, je n'ai pas franchement accroché. Mais après ce genre de film, quoi. Faut pas oublier que ce genre de film, c'est un peu comme que ce soit du côté de Marvel ou de DC. En fait, ils font des films comme ça pour introduire des personnages, notamment quand tu auras la Justice League. En fait, ils veulent pas faire un film excellentissime, ils veulent juste qu'il soit introduit, tu vois, et se faire un peu de fric. Oui, d'un autre côté, c'est sûr. Donc ils vont pas, et puis ils peuvent pas développer tous les personnages. Et puis après, il faut aussi dire qu'une fois de plus, bah les scénarios de DC ou Marvel, c'est pas super élaboré non plus. Donc c'est un peu difficile de faire un truc très bien. Alors qu'un personnage comme Batman, qui a un charisme et une popularité bien bien plus importante, bah du coup c'est un peu plus difficile de rivaliser aussi. Tu vois? Ouais, c'est vrai, d'un autre côté, t'as pas tort. Mais je comprends tout à fait qu'il y a eu des bons films. D'un côté, ils arrivent à prendre un personnage, par exemple, comme Superman, qui a tous les pouvoirs, qui est plat comme c'est pas possible, et de faire qu'en sorte qu'un mec normal, qui a juste du fric, qui est intelligent, qui sait faire les arts martiaux, il sait faire tout ce que Superman sait pas faire. Et d'ailleurs, il est pas allergique à des pierres vertes. Ils arrivent à faire en sorte que c'est le personnage humain qui est le plus intéressant, tu vois? Oui, c'est vrai. Mais par contre, un personnage comme Green Lantern, ils en font de la merde. Ouais, c'est vrai. Franchement, voilà. Mais je n'ai rien, comme je t'ai dit, moi je n'ai rien contre Superman et Batman. Hein. Je les supporte. Hein. J'ai de l'amour même pour eux, si tu veux. Bah, même je si te Batman, conseille quand même, si d'être Superman... gentil avec eux, parce que d'un côté il y a Superman qui est en train à côté de ta fenêtre et il y a Batman qui est dans ton couloir. Ah merde, ah oui, d'un. Ils vont te défoncer ta gueule. Ouais, mais t'inquiète pas, il y a Green Lantern qui va arriver. Je crois qu'il va pas faire long feu. Désolé. Non, je pense pas non plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire au niveau série et film. Voilà, je pense que j'ai fait assez court quand même. Ouais, j'ai fait une petite vingtaine de minutes, ce qui est déjà pas mal. Ah, mais il y avait un mec qui arrêtait pas de t'interrompre là. Ouais, avec ses comics de merde là. C'est qui ce mec? Ouais, bah je crois qu'il va faire sa petite chronique jeu vidéo, l'enculé. Ouais, mais du coup, je me suis un petit peu accaparé l'audimat. Oh, bah, y a pas de soucis. Non, mais d'un autre côté, c'est ce que j'avais déjà dit hein, sur ce podcast. On réagit. Comme par exemple, tiens, Ben ou quelqu'un d'autre a envie de peut-être réagir sur ce que j'ai dit au niveau des films ou des séries tout de même. Non, personne. Ah, ok. Oui, Clem. Oui, moi je veux bien dire. Vas-y. On va dire que niveau super-héros, j'en ai pas vu énormément comparé, comparé déjà à vous tous. Green Lantern, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Pour Thor, je suis d'accord avec Tali. C'est que pour Loki en fait qu'on regarde. Franchement. Mais oui, pas... non, mais c'est vrai que l'acteur de Thor, Loki, c'est vrai que Loki, il est très très bien choisi en tout cas pour faire son rôle. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais bon, franchement, à part regarder Loki, Thor, c'est bien ou pas? Non, si on regarde, non, quand même, le film est bien, mais il y a des moments quand même, on s'ennuie. Le film en général est regardable, mais moi personnellement, pendant 30 minutes, une nana bavait sur Thor, en plus qui sert à rien. Franchement, moi ça m'a vite gonflé. Hein. Je veux bien ah qu'ils oui, ajoutent. Ah oui, j'avoue, elle sert à rien. Je veux bien, d'accord, qu'on ajoute un peu d'amour parce que voilà, comme ça plaît à tout le monde. Au bout d'un moment, faut arrêter là. La nana, les seuls plans que tu as d'elle, c'est en train de regarder Thor, limite en train de baver. Faut arrêter au bout d'un moment, le personnage ne sert à rien, c'est exactement le même principe que le personnage de Toriel qui a été ajouté dans les films The Hobbit. Ce personnage avait un putain de potentiel, on pouvait en faire quelque chose, mais finalement on en fait que de la merde. Parce qu'on a juste décidé, oh bah tiens, on va faire une histoire d'amour. Non mais excuse-moi, mais dans tous les comics, t'as dit d'un autre côté, il y a de l'histoire d'amour, excuse-moi, t'as Spider-Man, il est amoureux de Mary Jane. T'as Superman qui est amoureuse de Lois, oui, ou mais de Clark. Oui, mais on te fait pas, on te fout pas des, je sais pas combien de scènes pour que tu vois la nana en train de baver sur le mec. Je suis désolée. Et t'as Luke qui est amoureux de sa sœur. Ouais, mais au début c'était pas prévu, c'était sa sœur, c'est pour ça. Bon, tu peux très bien ajouter de l'amour dans une histoire sans pour autant que ça devienne niant. Gnangnang, parce que tu vois, Harley Quinn, elle était peut-être amoureuse du Joker, mais ça en fait un personnage intéressant parce que ça tourne pas juste autour de ça. Mmh. C'est vrai. Oh merde, exactement. J'adore Harley Quinn. C'est vrai, d'un autre côté, t'as pas tort en tout cas. Mais en tout cas, voilà, moi, excuse-moi, mais moi j'ai aimé tort, et puis voilà, si t'es pas content, t'es bien. Bon, allez, sur ce, on va passer à Jerry Storm. J'aime la répartie. Ouais, tu vois, je suis très fort en répartie. C'est pour ça que je préfère fermer ma gueule et passer à la chronique à Jerry. Jerry, t'es prêt? Bah ouais, bah écoute, moi j'avais préparé vite un petit truc, bah comme par hasard par rapport aux comics. Mais on peut balancer quand même une jingle ou pas, non? Bah ouais, vas-y, ouais, bah ouais. La rubrique jeux vidéo. Avec Jerry Storm. Dis donc, ça c'est du jingle, hein, ça fait presque Duck Nukem là. Bah c'est en fait pour l'histoire, c'est ah oui, c'est vrai qu'il faut que je cite quand même l'auteur, c'est Shinde Ai qui avait fait avec le Vocaloid Alice, Alice qui est le Vocaloid français. Vive Alice, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Avec la chanson à venir, voilà. À venir. Voilà, je cherchais le nom. Donc c'est franchement un très bon son et merci Shinde Ai de m'avoir autorisé d'utiliser tes chansons. Tu es un mec génial. Jiri, vas-y pour tes jeux vidéo. Bah, du coup, bah, par rapport à l'actualité, moi je m'étais concentré sur un jeu qui m'intéresse beaucoup, qui en plus c'est sur Batman, donc qui va sortir, j'espère, le 23 juin. Même si là je me suis mangé une bonne cacahuète dans la gueule parce que je viens de m'apercevoir que mon PC pourrait pas le faire tourner. Donc faudrait minimum un i5, donc un quad-core. Hein, donc je suis un petit peu dans voilà un peu déçu. Donc le nouveau jeu Batman. Hein, alors je sais pas est-ce qu'il y en a qui connaissent la série des Arkham. Ben j'ai joué aux 3 Arkham. J'ai joué au Arkham Origins, Arkham Asylum et Arkham City, qui étaient franchement à part le Arkham Origins qui était franchement sympa, mais les autres franchement étaient une tuerie. Pour moi j'étais franchement accroché pour Arkham City comme pour Arkham Asylum qui était franchement. Parce que au niveau du gameplay comme au niveau de l'histoire, c'était vraiment un truc incroyable. Et bah moi, j'avais adoré. Pour ma part, déjà, faut savoir que c'est que le troisième de Rocksteady, hein, qui est le mec, la société qui a fait la série en elle-même. Donc moi, je l'ai devant moi. Le Origin, en fait, c'est un genre de spin-off. C'est des autres gars qui se sont occupés de ça. C'est les mecs de GameWare qui ont fait ça. Et il faut aussi dire qu'il y en a eu encore un autre, le Blackgate Origin, qui est un jeu en 2D. 2D et demi, les jeux en 3D, mais avec une vue 2D. Parfaitement, hein, oui. Donc, ça, c'est un truc que je voulais aussi dire. Alors, c'est un jeu qui va malheureusement pas pouvoir être accessible à tout le monde, déjà moi avec mon PC. Et aussi, il faudra savoir que ce sera que les next-gens qui vont pouvoir jouer à ce jeu, car il sera que sur PS4 et Xbox One PC. Donc, gros PC en plus. Hein. D'accord. Alors, en plus, le truc qui est pas mal, c'est qu'il va instaurer pas mal de choses. Alors, il y aura notamment Batgirl qui sera jouable en DLC, comme bien sûr. Alors, c'est vrai que le fait qu'ils n'arrêtent pas de rajouter des personnages, hein, ça sera le tout dernier épisode de la série. Hein. Franchement, avec Batgirl, ça commence vraiment à me faire un petit peu peur parce que du coup, moi, ça me rappelle le film, la Batman et Robin avec toute la troupe. Ça fait un petit peu un gros clan, quoi. Donc, ce film n'a jamais existé. Un film, bah si, il a existé, mais enfin, c'est pareil, c'est une question d'univers, de style, qu'on avait un petit peu évoqué. Hein. Non, il n'a pas existé. Tu sais qu'en ce moment, il y a une grosse polémique en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à l'apprécier beaucoup pour son côté kitsch. Donc, pour le côté kitsch, d'accord, ok, pour le côté kitsch, d'accord, mais pour la suite, non, désolé. Non, mais même pour le côté kitsch, il n'y a rien à garder. Le film, il ouvre sur des pétons, putain. Le mec qui a fait le film, c'est Michael Schumacher. C'est un gars qui est gay, donc c'est clair qu'il a des goûts un peu bizarres, quoi. Hein? Ça veut dire que Schwarzenegger est comme lui? Schwarzenegger. Ça veut dire que George Clooney est comme lui? Non, mais il voulait d'autres acteurs. George Clooney, non, mais attends, George Clooney. Bon, et franchement, George Clooney, pourquoi pas Ben Affleck en Batman? Franchement, non, on se calme. C'est méchant. Ça, c'était la base. Non, mais franchement, grâce à ça, hein, j'apprécie un tout petit peu George Clooney depuis que je sais qu'il y a Ben Affleck. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon Ben Affleck il aura une armure avec des yeux lumineux et tout. Alors, c'est beaucoup mieux que Superman quand même avec Nicolas Cage. Putain. Non. Enfin bon, on va retourner sur le jeu. Donc du coup, il y aura une version spéciale de la PS4 Batman Arkham Knight. Ça aussi, je comprends pas pourquoi les mecs ils font des consoles spécifiques par rapport à un jeu. Si t'achètes une console et qu'il y a le jeu Batman qui sort, tu vas pas acheter une nouvelle PS4. Peut-être que quelqu'un n'a pas non plus une PS4 et qui voudrait justement attendre que le Batman sort pour pouvoir jouer à ce jeu après. Ouais, mais bon, moi je trouve que c'est un peu comme les mecs qui te vendent la version ultimate, on va dire, des films de Batman, et puis 2 ans plus tard, t'as un nouveau Batman qui sort, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que j'en fais du nouveau? Hein? Oui. Enfin bon. Alors, il y aura beaucoup de contenu exclusif. Alors, il parle d'un season pass, hein, c'est le mot qu'on utilise pour plusieurs DLC qui sortiront dans l'année, qui coûte quand même $40. Hein, $40, bordel, c'est quasiment plus de la moitié du prix d'un jeu. Hein. Donc j'espère qu'on aura au moins le Batgirl dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça sera l'épisode le plus sombre. Alors c'est vrai que moi j'attends pas mal de choses par rapport à ce jeu. Ils annoncent que la ville sera 5 fois plus grande que dans le précédent jeu. Donc c'est dans le Arkham City. Parce que je pense qu'ils prennent pas en compte l'épisode origine. C'est vrai que ça c'est un peu bizarre vu que c'est des mecs qui font pas le même jeu, donc... C'est un peu compliqué. Alors déjà, vous voyez que techniquement, vous ferez avoir une superbe config ou les nouvelles consoles. Voilà. Donc qu'est-ce que... Alors il arrivera... Le contenu exclusif de la PS4 arrivera plus tard sur PC et Xbox One. Alors ça, c'est magnifique, tu vois. C'est un contenu exclusif, mais il sortira quand même sur les autres consoles. Tout est dit, hein. C'est sûr, d'un côté, il n'y a pas mieux original quand même. Non mais pourquoi c'est exclusif si ça sort ailleurs? Alors, juste une question, c'est qui produit? C'est pas Rocksteady justement. C'est... En fait, ils ont repris la ligne. Ils avaient fait ce fameux épisode Arkham Origins. Ils l'avaient donné au mec de GameWare, hein, pour histoire, à mon avis, de garder le personnage au chaud, de le faire un petit peu bouger. Parce que, en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu 4 ans entre le dernier épisode, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu qu'il y a le Batman Origins. Non, mais c'est un truc. C'est compliqué quand même de surfer avec 5 jeux. Qui sont pas faits par les petits pognons. Mais de toute façon, moi je trouve que d'un côté c'est un jeu hyper intéressant parce que techniquement il va être très très ambitieux. Bon, c'est un petit peu bizarre parce qu'ils vont mettre tout plein de personnages, mais bon, c'est pour faire du DLC. Alors, faut aussi dire que niveau de la com, ils vont faire une exposition Batman qui s'installe à Paris à l'occasion de la sortie d'Arkham Knight. Donc niveau pub, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Mais d'un côté, c'est un jeu que j'attends beaucoup, mais il y a eu tellement je sais pas comment dire ça, le jeu était tellement excellent. Le dernier épisode, le Arkham City, notamment avec la mort du personnage emblématique, hein, que je comprends pas, d'un côté, comment est-ce qu'ils ont pu faire encore une suite? C'est quand même, il est mort. Mais d'un autre côté, ça donne un côté... en fait, il y a tous les méchants de la ville qui vont essayer de casser la gueule à Batman. Ce qui est un petit peu... dans tous les sérieux et tous les jeux, c'est toujours ça. Alors, il y aura la Batmobile qui sera jouable. Alors, c'est vrai que ça, c'est un truc un peu casse-gueule parce que les fans, ils ont toujours voulu avoir la Batmobile. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui changerait complètement le gameplay du jeu. Parce ils l'ont eu dans Batman et Robin. Ils l'ont eu. Oui. Enfin, si on appelle ça le Batmobile... Hein, franchement, celle de Burton était quand même plus sympa. Arcade tuning, ça c'est sûr. Arcade tuning, non mais attends, enfin non mais bon, ouais mais là on parlait de jeux vidéo, pas de films. Hein. Enfin bon, non, faut dire que donc d'un côté c'est un petit peu casse-gueule parce qu'ils vont jouer la carte de la fameuse Batmobile, hein, qui est quand même bon. Après s'ils arrivent à l'adapter, pourquoi pas. Hein. Après tout, c'est pas pour rien aussi que ces derniers mois ils ont pas arrêté de repousser le jeu. Hein, à moins que c'était pour faire des tas de DLC de merde. Oui, c'est sûr. Mais d'un autre côté, moi, donc... ce qui me fait peur, c'est quand même la phase de Batmobile. Parce qu'en fait, j'ai un peu parlé avec Jerry avant le podcast. Moi, j'ai peur qu'en fait, que la phase de la Batmobile soit à peu près ennuyeuse. Parce qu'en fait... Non, mais attends, laisse-moi terminer. Moi, j'avais l'habitude, en fait, dans les Arkham City et Arkham... Arkham Asylum, moi, le premier, et Origins aussi, hein, Origins, il n'y a pas de souci, je peux en parler aussi. Mais moi j'avais l'habitude tellement de m'amuser à faire voler ce Batman. Et franchement, moi les moments de la Batmobile, franchement je peux vous dire, même la Batwings, il y avait la Batwings même, c'est vrai, dans le Arkham Origins, qui permettait d'aller plus vite d'un côté ou d'un autre. Mais franchement, j'étais pas fan du tout de ce des Batmobiles ou de la Batwings, parce que voilà, Batman c'est un héros emblématique qui fait peur, parce que voilà, il vole comme une chauve-souris, il est une chauve-souris. Et franchement, voir la Batmobile dans le dernier, c'est ça qui risque peut-être de me coincer. Après, peut-être que au niveau du gameplay et au niveau de l'action, peut-être que ça va y aller, quoi. Mais franchement, voilà, j'ai bien peur que le dernier Arkham Knight me fait peur, quoi. Me fait peur, en tout cas, au niveau de la Batmobile, quoi. Bah, disons, moi, Foulou, moi, je te dirais, c'est un petit peu comme ce que je dis souvent par rapport à Nintendo, c'est que, bon, c'est pas Nintendo, je prends juste un exemple. C'est un truc qu'ils vont faire, que peu de gens ils vont y croire, et en fin de compte, on va se dire, oh putain, ouais. Oui, peut-être après. Peut-être que, et de toute façon, que je me trompe aussi d'un autre côté. Hein. Il faut qu'ils évoluent parce que dans tous les jeux, en fin de compte, le gameplay, l'histoire, tout ça, ça n'a pas évolué. Même le scénario, c'est toujours la même chose. Batman, il est là, il est empoisonné, il va mourir. Il y a tout le monde qui va lui péter la gueule et à la fin de la soirée, il a cassé la gueule à tout le monde. Donc la Batmobile, c'est un truc que les fans voulaient absolument. Et du coup, bah voilà, ils l'auront. En plus, c'est l'épisode ultime, donc c'était la dernière chance. Fallait la mettre. Mais c'est vrai que moi je me rappelle dans le premier, le Arkham Asylum, il y a une scène où en fait on sort de la Batmobile. C'est que là où t'as les mecs qui cassent la gueule à la bagnole. Parfaitement. Et franchement, cette version de la bagnole, elle était comme compressée. Oui. Et moi franchement, quand j'ai vu la bagnole se faire casser la gueule, j'avais presque envie de les aider à la casser. Donc, non, mais, problème, mais c'était quoi? On avait l'impression que c'était la chaussure là dans le jeu Monopoly là. C'est pas la Batmobile, merde. Oui, bah oui, c'est sûr. Enfin voilà, non, je pense que là j'ai dit pas mal des choses que ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Et faut voir que les prix sur internet ils sont très changeants. Hein. Je vois sur Amazon on peut l'avoir à 40€ sur PC, alors que bah normalement les jeux c'est plutôt dans les 70€. En plus, hein, je fais pas de la pub à Amazon, mais j'ai vu qu'il y avait une promotion actuellement où on pouvait l'avoir encore 10€ moins cher. Non. Donc ça ferait 30€ le jeu quoi. Si ça a l'air d'être un bon plan. Mais bon, je pense que les mecs ils sont pas cons. Hein. Ils font des DLC à 40€, ils font le jeu à 40€ sur internet. En fait, ça, tu payes quand même 90€. Mais non, mais sur PC en fait c'est beaucoup moins cher que sur console. En fait, c'est un truc qui a été choisi. Oui, c'est peut-être moins cher, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas les DLC dedans et puis ils font le prix normal quoi. C'est vrai. D'un autre côté, t'as pas tort. Enfin voilà, hein, je vais clore sur ces mots voilà. Ok. Les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo et qu'est-ce que vous en penserez par exemple du Arkham Knight en fait? Personne ne pense quoi que ce soit? Alors bah moi je joue aux jeux vidéo mais non, j'ai pas joué à Arkham. Ouais. Parce que bah j'ai pas d'argent pour me l'acheter. Voilà. Et moi je joue plus sur 3DS parce que la 3DS je peux la transporter avec moi. Ouais. Donc alors je peux pas transporter une Xbox ou une PlayStation avec moi. Ouais, t'as l'habitude de plus jouer à l'extérieur, d'accord. Sinon Benji, Tali, est-ce que vous êtes peut-être intéressé par les Arkham et est-ce que vous avez joué aux premiers Arkham quoi? Alors moi les Arkham, j'en ai beaucoup entendu parler mais je n'ai joué à aucun. Ah ouais. Non, ça m'a pas vraiment tenté le coup du. Enfin, c'est vrai qu'il était assez. Enfin, il promettait pas mal de choses avec l'open world et tout. L'histoire était pas mal. J'ai quand même regardé un playthrough de chaque pour faire une vraie idée, mais m'a pas vraiment tenté. D'accord. Moi, je suis plus Skyrim. Ah oui, ça je savais, hein, Benji. Hein, tu m'avais déjà dit en antenne. Et Tali. Bah moi personnellement j'ai pas joué au premier parce que c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Moi je suis plus branché Assassin's Creed, Skyrim, Dragon Age et trucs comme ça donc. Bah après Assassin's Creed c'est quand même. Enfin, bon c'est pas le même univers mais c'est quand même assez. C'est pas loin. Le gameplay il ressemble. Hein. Ouais parce que bon après c'est comme Splinter Cell en fait c'est Batman. Hein. Bah oui. Je sais pas mais enfin bref moi ça m'a pas spécialement attiré donc je préfère rester sur les valeurs sûres qui sont. Dragon Age, Dante Inferno, trucs comme ça. Parce que bon, Assassin's Creed, c'est pas vraiment le type même de la licence sûre, quoi. C'est un peu toujours la même chose, c'est un peu comme du FIFA. Ah ouais, non, mais je dis pas que qu'Assassin's Creed c'est super bien, c'est une valeur sûre ni rien, mais c'est juste que moi j'ai apprécié Assassin's Creed, même si la licence se barre en couille et que ça devient un peu n'importe quoi, un peu est un petit mot pour qualifier ce qui est en train de se passer avec Assassin's Creed, mais à part ça. Moi j'avais beaucoup apprécié Assassin's Creed et puis ça m'empêche pas de refaire les premiers épisodes parce que je les aime bien donc. D'accord. Ok. Bon, en tout cas c'est tout au niveau jeux vidéo, Jerry ? Bon ouais, je vais pas vous embêter plus davantage. J'ai fait quasiment parler de Batman aujourd'hui. Voilà. Il y a des trucs qui tombent dans le studio, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas fou. Bon, on va passer à Pavel parce que Pavel n'est pas là, mais il a pensé quand même à faire une petite chronique. On va écouter sa petite chronique qui dure. À peu près 2 minutes, et après on va parler justement sur la chronique de Pavel, parce que j'avais une petite idée à en parler sur la chronique. On écoute la chronique et on se rejoint juste après ? Les gens ? Bah ouais. Allez, on écoute la chronique, à tout de suite. La rubrique Pokémon. La rubrique Pokémon. Avec Pavel. Salut tout le monde, c'est donc Pavel et comme précisé dans le jingle, on va parler de Pokémon parce que comme tout le monde le sait, ce n'est pas que pour les enfants. Et on démarre tout de suite avec l'actualité toute fraîche parce que ce jeudi 21 mai, un nouveau jeu a été annoncé par Nintendo. Il ne s'agit malheureusement pas de la suite ou de la version complémentaire de XY comme l'espéraient les fans, mais d'un nouvel opus des spin-offs. Pokémon Méga Donjon Mystère. On a très peu d'infos pour le moment, juste le titre et la date approximative de la sortie, qui se situera début 2016. Comme le titre l'a supposé, il y a fort à parier que les méga évolutions seront au rendez-vous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Donjon Mystère ? Il s'agit tout simplement d'une série de jeux dans lesquels on n'est pas un dresseur comme dans les jeux principaux, mais directement un Pokémon, et l'action se passe dans des donjons, tout en gardant, bien sûr, une dimension RPG. Il y a pour l'heure 3 générations de donjons mystères. La première, sortie simultanément sur Game Boy Advance avec Équipe de Secours Rouge, et sur Nintendo DS avec Équipe de Secours Bleu. On avait pour le moment les 3 premières générations de l'univers Pokémon. Les deuxièmes jeux, qui incluaient cette fois la 4ème génération, étaient Explorateur du Temps et Explorateur de l'Ombre. Également sortis sur Nintendo DS, ils seront rejoints par Explorateur du Ciel l'année suivante. Et pour finir, le dernier donjon mystère en date, c'est les Portes de l'Infini, sorti sur Nintendo 3DS et il incluait la 5ème génération. Pour en revenir à cette nouvelle annonce, beaucoup de suppositions sont faites par les fans. Nouvelle génération de donjons mystère ou un genre free-to-play, comme on a pu le voir pour Pokémon Shuffle et Rumble World, sorti il y a peu de temps sur l'eShop de la Nintendo 3DS. Une fonction multijoueur avec modification en temps réel, ou encore un open world, sait-on jamais, tout est possible avec Nintendo. On ne peut pas répondre à toutes ces questions pour le moment, mais comptez sur moi pour vous donner de nouvelles infos, s'il y en a, dans la prochaine émission. A plus tout le monde! Bon bah je pense qu'en tout cas, la chronique de Pavel était fort sympathique de son côté. Je sais pas ce que vous avez pensé vous, mais franchement, le prochain Donjon Mystère promet d'être sympathique quand même. Je sais pas, vous de votre côté, au niveau Pokémon, vous avez joué un petit peu à tout ce qui est même la version Game Boy ou même Donjon Mystère quoi. Pokémon! Bah Pokémon, bien sûr, c'est la vie. Mais oui, c'est la vie. Mais oui, qui n'a pas connu Pokémon? Mais oui, c'est clair! Bon, mais sinon, voilà, moi je pense que moi j'ai connu la première partie des Pokémon où j'ai été au rouge, bleu et jaune. Après, je n'ai pas suivi la suite. Et vert aussi. Oui, il y avait la verte, c'est vrai qu'il y avait la verte. Tout le monde oublie. Bah ouais, mais je crois qu'elle n'est pas sortie en Europe, c'est aussi peut-être pour ça, non? Non, elle est sortie qu'au Japon et aux USA si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est vrai que moi je l'avais pas vu du tout en magasin, mais c'est vrai qu'en tout cas ça devait être plus intéressant quand même au niveau. Au niveau des nouveaux Pokémon, voilà, moi ça m'a pas attiré parce que j'ai vu quand j'ai vu qu'il y avait plus de Pokémon, je me suis dit déjà, je sais plus combien il y en avait à la base, si Jiri tu t'en rappelles. 150, voilà. Ouais, New. Ouais, c'est vrai, New et Mewtwo. Il y en avait déjà 151, pour moi c'était déjà bien assez. Après, moi je pense que le reste des Pokémon, les nouveaux, franchement pour moi c'est de la merde, hein. Excusez-moi du mot, non, mais voilà quoi. Non, je suis pas vraiment d'accord. Pour moi ça commence à se casser la gueule à partir de la 5ème génération. Oh, quand même. Non, mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont arrivé à trouver des pré-évolutions. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver qu'il y avait un stade qui manquait? Il est né adulte il est... Ouais. Pichu, c'est ça. Non, les pré-évolutions, ça va encore. Non, mais comment tu peux... Tu peux aussi dans un le délire stade... avec les méga-évolutions, je comprends pas. Non, les méga-évolutions, c'est de la merde. Non mais c'est devenu trop compliqué. Je crois que c'est les mecs ils auraient mieux fait de faire des nouvelles, je sais pas, des nouvelles catégories. Pas surtout la méga évolution du mais moche. Non mais surtout est-ce que vous connaissez le principe de base des EV? Non. Les EV. Les EV en fait c'est pas pour... enfin c'est pas compliqué, je dis de la merde mais c'est pas grave. En fait c'est quand tu tues quand tu montes un level, t'as les stats de ton Pokémon qui augmentent. D'accord. Parfait, attaque, ouais. Attaque spéciale, défense spéciale et ainsi de suite. Ouais. D'accord. Ouais. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand, maintenant, avec, je crois que ça a commencé avec Diamant, c'est que quand tu combats certains Pokémon, au bout d'un certain nombre de Pokémon battus, tes compétences peuvent augmenter d'elles-mêmes. Mmh. Tu comprends le délire? Par exemple, je prends l'exemple du Dratak que je connais. Si tu bats 5 fois un Dratak, tu gagnes plus 1 en attaque. D'accord. Donc tu vois, les gros psychopathes de Pokémon maintenant, en plus de se taper 800 000 pas à cause de faire des œufs pour avoir la capacité spéciale du Pokémon qu'ils veulent, maintenant ils se font chier avec un petit crayon, des barres, et ils notent le nombre de Dratak qu'ils butent s'ils veulent augmenter spécialement l'attaque de leur Pokémon. Mmh. Ça s'appelle les no-life. Non, mais je crois qu'ils ont été victimes de leur licence, en fait. C'est une machine à fric, donc ils continuent. C'est Pokémon, ça rapporte 4 milliards au Japon. Bah ouais, et puis il faut pas oublier que Pokémon c'est quand même une série qui a vachement sauvé Nintendo à l'époque de N64. Non, mais respect. Aujourd'hui c'est devenu une icône de la culture pop. Ouais. Oh oui, ça c'est sûr. Et d'un autre côté, en plus je crois que Game Freak en fait ont décidé de continuer Pokémon, mais je crois qu'ils étaient en train aussi peut-être de faire un autre jeu sur une autre console que Nintendo d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais en fait, ils prévoient un autre jeu. Il y a pas un truc qui est prévu pour la Wii U. Bah justement, là, c'est le... Comme avait dit Pavel, c'était le... Ah oui, donjon... Donjon de mystère. Quest, donjon de mystère, ouais, numéro 2. Mais là, en fait, il y a Game Freak qui prépare un autre jeu sur d'autres consoles. Pas sur Nintendo, justement. Ils ont décidé de faire un petit bonhomme de chemin d'un autre côté pour essayer de gagner un peu plus de fric qu'avec Pokémon. Et justement, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, Game Freak, en tout cas, ça a été, c'est une très bonne compagnie qui a fait donc Pokémon de premier du nom jusqu'au dernier. Et franchement, en tout cas, au niveau Pokémon, je sais qu'on va s'en bouffer encore. Hein, parce que... Ouais, mais attends, fou, c'est pas forcément que pour le fric, hein, parce que bon, ils ont fait une licence comme Pokémon qui rapporte des caisses de fric. Je crois que les mecs, c'est peut-être parce qu'ils ont de l'argent, ils veulent peut-être essayer de faire autre chose. Et puis peut-être les gars, ils voudraient faire, voilà, se diversifier. Parce que bon, ils peuvent pas non plus faire des suites. À un moment, faut arrêter. Hein. Ils en ont peut-être marre aussi on de Pokémon. Bah ouais, couleurs de la console, un petit peu. Parce que je sais pas combien il y a de jeux, mais c'est quand même assez colossal. Et puis franchement, les mecs, t'imagines, les gars, je crois que le truc le plus compliqué dans, pour faire des nouveaux jeux, c'est de trouver de nouvelles idées pour que les gens achètent le jeu. Ouais. Bon. Que, alors que tu... Ouais, enfin voilà. Ok. Bon, bah sinon quand même, au niveau Pokémon, c'est lequel votre préféré vite fait, histoire de déconner. Brasegali. Oui, bah ça, tu me l'avais déjà dit. Sinon, les autres... Clem. Dracaufeu, tiens. Voilà. Dracaufeu, ouais, Clem. Zoruya. Ok, et puis Ben. Moi, je dirais Lugia. Eh ben, c'est rondoudou, je pense que vous devez savoir, il suffit de regarder mon Facebook. Allez. Non, c'est pour le... C'est parce qu'il ressemble à un boob, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as dit, Benji? Bah, c'est parce qu'il ressemble à un boob, c'est pour ça. Oui, aussi, d'un autre côté, à côté de Kirby. C'est vrai, tu me l'avais dit. Et le gros doudou. Et comme cet après-midi, le gros doudou, hein. Ah oui, bah le gros doudou, c'est une augmentation de bonnet, c'est la maturité, c'est pour ça. Bon, et ben sur ce, je pense qu'on a à peu près tout dit sur notre monde. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de laisser en tout cas vos commentaires sur le Facebook. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir commencer cette émission avec vous. Et en espérant qu'il y en aura d'autres podcasts. En tout cas, on compte sur vous pour laisser vos commentaires. Je remercie Ben et Benji pour leur chronique sur animé et manga. Ouais, enfin, bien parce que tu nous fais toute la parole, hein. Je vais pas dire. Ah oui, mais justement, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça, il n'y a pas de souci. Je remercie Clems pour son information sur Asinov. N'oubliez pas de les lire dans la suite chronologique dans sa rubrique science-fiction. Bah de rien. Bon, la prochaine fois je ferai mieux hein, parce que là j'étais un petit peu stressé. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas. Moi je te dis, t'as été superbe quand même. Je remercie Jerry pour cette information en tout cas sur le Arkham Knight qu'on attend vivement et très rapidement au mois de juin. Voilà, et puis je remercie Thalie en tout cas pour toutes ces informations sur le jeu de rôle qui a été fort intéressant. Merci Thalie, c'était sympa. Et donc n'oubliez pas, le jeu de rôle sur forum, c'est comme si on était sur papier en vrai, mais sauf que voilà, il suffit d'écrire et ne pas écrire des romans, mais se faire plaisir. De rien, à votre service. Mais merci en tout cas, c'était sympa. Et puis bon, et ben en tout cas, je vous dis à un prochain podcast. C'était Another World, premier épisode. En espérant qu'en tout cas, ça soit pas le dernier. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de laisser tout ce qu'il faut comme information. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous remercie en tout cas. Merci Tani, merci Ben, merci Clémence, merci Jiri, merci Pavel. Et bisous à Amandine qui n'a pas pu venir et qui viendra la prochaine podcast. Gros bisous, ciao. Ciao.